Like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Bonjour, c'est Bichette, le réalisateur de l'émission de Koé. Bonjour. Bonjour Coco. Hier, on a reçu Aya Nakamura et c'était un petit peu tendu depuis l'épisode avec Nico, Sonema. Alors, heureusement, on peut compter sur Coco pour calmer tout ça. L'homme qui apaise des tensions. Je ne me trompe pas, elle est là. Elle va chanter ce soir ici, sur le plateau. Plateau d'énergie, elle est là. Ça me fait très plaisir de te retrouver. Merci. Le temps passe et les petites choses entre les gens de qualité s'effacent. Il n'y a que les continents qui ne se touchent pas. Et on a réussi à se retrouver parce que les gens de talent et de bonne compagnie aiment toujours se retrouver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voici Akaya Namamura. Finalement, c'était l'homme qui remet de l'huile sur le feu. Merci Coco. Tout va bien. Une bande de ouf enfermé dans un studio vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est le Bifort de Noël. Des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, c'est comme d'hab, avec Maria Carré en plus. Bonjour tout le monde. 17h, c'est comme tous les jours, nous sommes là jusqu'à 20h, merci d'être très nombreux, vous êtes plus d'un million 624 000 à nous écouter tous les jours, ça me fait très plaisir. Sachez que tout à l'heure je remets plus d'argent, fidèle à ma promesse d'hier, je remettrai chaque jour de plus en plus d'enveloppes contenant de plus en plus d'argent au cache-cache pour que vous trouviez une bonne enveloppe bien remplie. Bien remplie. Ça me fait plaisir, 1500 euros dans une enveloppe, une autre à 1500, une à 10 000 euros, une à 1000, une à 500, une à 15, 7, 10, 12 par SMS, mettez courrier au début du message et on en parle plus. Mais ça n'est pas tout. Après 18h, tout à l'heure, il y a 5000 euros si vous faites le bon pronostic. Vous savez, c'est pas comme un ticket que vous allez gratter où vous mettez de l'argent et vous espérez que vous allez gagner. Là, c'est simplement vous inscrivez sur Twitter, c'est ça, monsieur Bordas? Oui. Et donc, vous vous inscrivez sur mon. Vous me suivez, vous me follow, Koé officiel, et vous allez pouvoir gagner 5000 euros. Il vous suffira tout simplement de faire le bon pronostic entre Bichette et Jeff, à savoir qui finira le plus le tacos de 2,5 kg. Bon tacos, bien garni, comme bien rempli. Et on trouve facilement le tweet, il y a juste à aller au-dessus de ton profil, il est épinglé. Et on fait quoi avec ce tweet? Je t'entends très mal. Relevez le micro de ce jeune homme, s'il vous plaît. Ça me fait bizarre de dire ça, mais relevez son micro. Vraiment qu'on l'entende mieux. Il faut te suivre, il faut RT. Donc retweeter le tweet et juste voter entre Jeff et Bichette. Voilà, ce sera tout à l'heure, mais vous nous suivez maintenant et tout ira bien. Dans l'émission aujourd'hui, avant que je présente toute l'équipe, sachez que l'on aura un son. Alors vous savez, hier on parlait évidemment du drame de Strasbourg et nous parlions de la rapidité des médias à vouloir avoir le scoop. Ouais. C'est-à-dire que des fois, évidemment, on y interview des gens qui racontent n'importe quoi et on s'envoie souvent des journalistes qui n'ont absolument rien à filmer à part un mur et un pauvre CRS qui se les gèle. Et le plan dure et pendant des heures et on dit toujours rien, bah non, toujours rien, là, toujours rien. Donc nous reviendrons dans un instant, j'aurai un petit son à vous faire écouter qui va vous amuser. Nous aurons les champions du monde de l'actu à ne pas rater. François Hollande qui fait partie des champions du monde de l'actu. Dominique Rizet, vous voyez qui est Dominique Rizet? Ah oui, c'est les experts de Miami mais dans le à BFM Télé. Voilà, je vous le présenterai tout à l'heure. Dès qu'il y a un terroriste, Dominique Rizet le connaît, il a tout de suite son profil. C'est le ratio, il a déjà le profil, il a l'ADN, il a tout. On aura une exclue dans un instant, nous aurons l'actu, je vous parlerai de Waze tout à l'heure, je vous parlerai de naissance et de gilets jaunes. Il dit voilà, dans le mouvement il y a des jolies choses. Ah tiens, Dominique Rizet qui m'écrit. Je sais tout sur toi. Voilà, j'ai ton profil aussi, ok. Nous parlerons d'un phénomène assez étonnant. Ça a été fait dans un article de journal. Que dire à votre enfant s'il se trouve moche? C'est dans le journal, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Nous aurons le top des trucs qu'on fait le soir de Noël, mais en fonction de l'âge. C'est des camemberts qui ont vraiment pas, parce qu'ils se mangent hein, des graphiques, merci beaucoup, sous forme de camembert, qui disent effectivement qu'en fonction de l'âge, on ne fait pas du tout les mêmes choses le soir de Noël. Nous aurons le top des cadeaux de Noël les plus pourris au monde. Ça, vous allez voir, c'est fantastique. Le zap télé de Miko, il y aura quoi dedans? Il y aura de la casse, une championne et un joli lapsus. Nous aurons la compile également de ceux qui croient au Père Noël et ceux qui n'y croient pas. Ah tout le monde réuni dans la même compile. Et tout à l'heure, il y a une info qui est tombée il y a à peine 2 heures où on apprend qu'un TGV qui revenait sur Paris, un Nice-Paris au niveau d'Avignon, s'est fait tirer dessus par un chasseur qui heureusement n'a tué personne, mais la balle est arrivée dans le siège du TGV. Donc tout à l'heure, nous aurons en ligne les chasseurs qui ont donc pris, je ne sais pas pour quel animal, parce qu'un VTT, bon, de loin, ça peut faire une vache éventuellement, mais un TGV, ça faudra qu'on en parle tout à l'heure. Le hashtag du jour, c'est quoi, monsieur Bordas, le hashtag? Au repas de Noël, il y a toujours. Ah, voilà, et là vous vous amusez, hein, le tonton bourré, la bouffe sale, allez, faites-vous plaisir. Hashtag au repas de Noël, il y a toujours. Mais avant que je vous présente tout le monde, revenons sur CNews. Ce matin, il trouve un ancien collègue un ancien copain de celui qui est le tireur, malheureusement, oui, donc, de Strasbourg. Écoutez, voilà donc l'interview que ce jeune homme laisse. Il était super gentil. Super, c'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Quelqu'un super gentil et discret surtout, ouais. Et alors là, à CNews, ils étaient contents parce que sur BFM Télé, ils en avaient trouvé un autre. Et l'autre, sur BFM TV, disait que déjà petit à l'école, c'était un fouteur de bordel, qu'il insultait les profs, oui, qu'il insultait les adultes. Et là, CNews se dit, génial, nous on a le scoop, on a trouvé le mec qui ne rentre pas dans les mêmes critères que les autres et disent qu'il était un enfant normal. Sauf que le mec se met sur Snap 30 secondes après et il laisse son message. Là, je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais pas c'est qui. Oh là, je le connais même pas. Et voilà, l'information. Quand des fois, on veut aller très vite. On veut trouver absolument la bonne personne et on trouve n'importe quel zéro. La présentation de l'équipe. Aujourd'hui, c'est le plus grand réalisateur de toutes les FM. Ouais. Oh non, pas par le talent, parce qu'il mesure un bon 1m87. C'est mon Bichette. Bonsoir. Je le connais pas, je sais pas c'est qui. Depuis qu'il est allé dans le Nord en début de semaine, mon Mico ne mange plus que des pépitos au maroilles et du coca à la bière. C'est ça le Nord. Mon Mico qui est avec nous. Bonsoir. C'est la femme la plus douce et romantique que je connaisse, sauf que ses films romantiques à elle, c'est Rocky 4 et Massacre à la tronçonneuse. C'est Mastouf. Il a commencé un régime et il a déjà perdu. Bravo Jeff. Merci. Il a perdu la patience. C'est trop long de perdre du poids. Du coup, pour patienter, il bouffe. Il faut que je rappelle le principe d'un régime parce qu'après l'opération ce soir, il y aura l'opération Otakos. Ah oui, bah là, ça marche pas. Voilà, c'est mon Jeff qui est là. Bonsoir. Et quand on entend ces vannes. Oui, Bordas. Oh, les t'as les oreilles qui se dressent, je parle de toi. Quand on entend ces vannes, c'est comme si on entendait un exposé sur la physique quantique. On comprend pas. C'est Bordas qui est avec nous et qui s'occupe des réseaux sociaux. Bienvenue. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Tout oublié, on joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. sur Énergie. Oh, vous allez gagner des sous, je le sens, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a deux enveloppes à 1500 euros, une à 1000, une à 10 000 euros, une à 500, une à 15 euros, 7, 10, 12 par SMS. C'est seulement par SMS, je vous le dis tout de suite, parce que des fois vous vous dites après, ouais, mais je voudrais jouer. Seulement par SMS, mettez Koé au début de votre message et vous l'envoyez au 7, 10, 12 pour gagner 5000 euros tout à l'heure, c'est seulement sur Twitter. Vous me suivez sur Twitter, Koé officiel, vous RT en haut, il y a un petit message. Vous le RT et dedans vous faites votre pronostic, Jeff ou Bichette, et je ne prendrai que selon le gagnant. Mais pour ça il faut nous suivre, il faut RT le message. Et vous pouvez gagner jusqu'à ça, vous pouvez gagner 5000 euros d'un coup pour une seule personne. Autant vous dire que c'est beaucoup. On y va pour le champion du monde de l'actu. Ah là là, premier champion du monde de l'actu, elle s'appelle Irène Oshii. Est-ce que vous savez qui c'est? Irène Oshii, la chanteuse. Non, Oshii, elle s'appelle Oshii, elle s'appelle pas Irène Oshii. Hé, hey, si on a marinière, toi. Non, c'est une mamie australienne de 102 ans. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ah, je sais. Ah, une course à pied. Non. Non, c'est dans le sport, non? Oui. Elle a fait un saut en parachute. Elle a fait un saut en parachute. Elle a pas sauté seule, évidemment, elle est accompagnée d'un instructeur. Allez, mamie! En même temps, c'est une forme de lifting gratuit. Hein, c'est là, là, les, c'est là, c'est assez rare d'avoir les seins qui peuvent te repasser derrière les oreilles. J'ai gagné 40 ans! Madame, rangez-moi ça parce que ça freine. Je vous assure, on vire à droite alors qu'on devrait aller à gauche. Madame, faites quelque chose. Et donc, elle est accompagnée d'un instructeur. Le plus fort, c'est qu'elle a sauté à 4000 mètres d'altitude pour atteindre une vitesse de 220 km/h. Vache. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Tu veux dire, tes lèvres, tu n'as pas peur parce que tes lèvres recouvrent tes yeux. Je pense. Le dentier part. T'as déjà vu des fois les labradors qui se mettent à la fenêtre d'une voiture, ça fait pouf. C'est pareil. N'oubliez pas, on n'y arrivera peut-être pas à 102 ans. Ouais. Et donc à 220 km/h, et elle est arrivée en bas, elle a dit cette phrase géniale, elle a dit: je n'ai eu aucune appréhension. C'est bien, fort, bien. Mais c'est normal qu'elle n'ait pas d'appréhension. 4000 mètres d'altitude, elle commençait à voir la porte d'entrée de sa future maison. Oh. Non. Et quand elle a sauté, elle a dit: vous me refaites les travaux, j'arrive. Ah oui, si. Deuxième champion du monde, une jeune Canadienne de 9 ans. Vous l'avez peut-être vu, elle a pas apprécié que ses parents lui demandent de ranger sa chambre. Elle rentre dans sa chambre, elle prend le numéro de téléphone, elle appelle la police et elle appelle la police. La police comprend pas bien ce qui se passe, la police vient et se rend compte qu'en fait il n'y avait pas du tout de soucis. Elle a juste appelé parce que les parents ont dit: range ta chambre. C'est vrai, c'est ouf. Ah, sans déconner. Mais tu sais, t'as raison, Jeff, tu fais le signe de la main courante. Elle aurait mérité une main courante. Une main courante à droite, on n'a pas le droit, mais elle aurait mérité. Super champion du monde, toute catégorie, François Hollande. François Hollande, on l'a vu passer sur les réseaux, cette déclaration de François Hollande ce matin suite aux événements tragiques de Strasbourg. Je vous la lis telle quelle, c'est très court. Exclusif, François Hollande, deux points, ouvrez les guillemets. Il faut arrêter le tireur au plus vite. Fermez les guillemets. Bravo François. Je crois que la police n'y avait pas pensé. Bah ouais, c'est un... Je crois que personne n'y avait pensé. Attendez, il a peut-être d'autres idées, je lis la suite. Il faut arrêter les guerres. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut stopper la faim dans le monde. Génie, mais il est génial. Il faudra voter pour moi. Ah, c'est con, ça finit par une connerie. Bienvenue tout le monde, on est sur Énergie. Merci de rigoler avec tout. Dans un instant, il y aura peut-être 10 000 euros à gagner. C'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup d'argent. Le hashtag du jour, faites-vous plaisir. Si à chaque fois les fêtes de Noël ont été pour vous problématiques, hashtag au repas de Noël, il y a toujours. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. It shouldn't have said out loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Sur Énergie, dans un instant, nous aurons peut-être jusqu'à 10 000 euros à vous offrir. Nous aurons des nouvelles de Dominique Rizet. Nous aurons tout à l'heure le top des trucs qu'on fait le soir de Noël, mais en fonction de l'âge, vous verrez que ça change beaucoup. Nous aurons le Zap Télé de Mico. Mais si vous suivez, si vous avez Waze dans votre voiture, pour les gens qui nous écoutent en voiture, je vous fais un bisou d'ailleurs. Waze, ça vous indique les trajets. Oui. Maintenant, pour éviter que les gens se baladent d'application en application, ils ont fait Waze et un site de musique, voilà, qui s'appelle Deezer. Comme ça, vous pouvez avoir commander les trucs. Voilà. Ah, ça peut amener 2-3 problèmes. Hein. Ah bon? Ah bah si les deux se mélangent. Dans 200 mètres tournés. Puis dans 100 mètres tournés. Puis au rond-point, attention au. Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Lundi, on l'a invité. Lundi, gilet jaune. Restez avec toi, on vient. Énergie présente la Columbia Session de Jay. À Paris. Salut, c'est Jane. Venez faire la fête avec moi. Jane a réservé un concert privé aux auditeurs d'Énergie le 18 décembre sur la péniche Le Flow. NRJ. Yes. Gagnez vos invitations maintenant sur energie.fr. La Columbia Session de Jane à Paris, un événement Énergie. It's music only. Jiffy, tout le monde nous parle du Noël Jiffy. Mais pourquoi? Parce que dès ce vendredi 14 décembre, Jiffy vous offre 30% sur tout le magasin. Quoi? Oui, vous avez bien entendu, moins 30% sur tout le magasin. Moins 30% même sur les jouets, les cadeaux et la déco de Noël? Oui, moins 30% sur tout. Chez Jiffy, on prend tout. Jiffy, des idées de génie. Offre non cumulable valable du 14 au 16 décembre des 50 euros d'achat. Remise remboursée sous forme de bon d'achat valable du 17 au 31 décembre. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le Noël d'Élise qui change. Avec 50% en cagnotte sur une sélection de jouets comme la poupée, Baby Alive et Malade. 50% Élise. Alors oui, avoir un enfant en plus à la maison, c'est fatigant. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que quand il pleure, t'enlèves juste les piles. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Baby Alive et Malade à 49,90€ plus 50% en cagnotte. Et votre Noël change. Auchan. Soit 24,95€ cagnotte déduite, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions sur Auchan.fr. Pas de panique, sur Amazon, il est encore temps de trouver le cadeau idéal pour Noël. Avec des ventes flash pour faire plaisir et vous faire plaisir. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. Les ventes flash de Noël, c'est du 6 au 21 décembre sur Amazon. Livraison gratuite en France à partir de 25€ d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Saint-Jacques a dit, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Aujourd'hui, les coquilles Saint-Jacques sont à prix coûtant. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Coquille Saint-Jacques Pecten Maximus pêché en Atlantique Nord-Est dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. Chez Marionneau, notre mission, c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment, profitez de moins 25% des 79€ d'achat. Et avec le Click and Collect Express 1 heure, commandez sur marionneau.com et retirez vos cadeaux une heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Marionneau. Offre et conditions en magasin sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Délicat pain aux figues, cherche le fromage très crémeux qui mettra ses papilles en fête. Justement chez Grand Frais, le Tentation de Saint-Félicien de 200 grammes est à 2,99€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 15 décembre, fabriqué en Isère, 14,95€ le kilo, 32% de matière grasse sur produits finis. Grand Frais, enseigne préférée des Français, selon une étude réalisée en 2018 par OCC. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Énergie. Music Only. Je suis content de vous l'annoncer. Elle sera notre invitée quel jour ? Vendredi. Vendredi, on terminera juste le dernier jour avant les fêtes de Noël avec Jennifer qui sera là. Il y aura Rita Ora qui viendra nous voir. Jeudi. Pas mal Rita Ora. Hein. Si vous habitez Rouen, la Normandie, ce week-end, One Man à Rouen. Venez nous voir, hein, dépêchez-vous au Théâtre à l'Ouest pour le rodage. Et à Lille, c'est complet. Donc c'est la semaine prochaine. Lillois plus réactif que les gens de Normandie. Je dis ça, je dis rien. C'est mais vrai. Tu dis ah, c'est le Nord. Ah, bah non, mais je dis ça, je dis rien. Mais à un moment, Normandie, ouais, c'était deux jours. Après, on dira, mais si, non, mais. C'est le Nord. Oui, bah c'est le Nord, mais ça va plus vite. Ah, oui. Je vous dis, c'est comme ça, c'est tout, c'est complet. 10 jours. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est génial. Le hashtag du jour, c'est quoi, monsieur Bordas? Au repas de Noël, il y a toujours. On en fait un ou deux vite. Alors, on a Carole qui nous dit au repas de Noël, il y a toujours celui qui lance le débat politique et qui pourrit l'ambiance dès le début. Toujours. Toujours, obligé. Classique. On a assez. Là, et là, à mon avis. Ah oui, avec là, voilà. Pour ou contre les gilets jaunes. Ah, oui, c'est parti. Il y en a pour toute la nuit. Et là-dessus, je te rajoute le débat fichier S. Faut les laisser vivre. Faut les arrêter avant. Ouais. Là, je te donne deux raisons qui engueulent à table à Noël. On continue. On a Cécile qui nous dit au repas de Noël, il y a toujours le grand débat entre la team huître et la team pas huître. Bah, moi, je suis team pas huître. Mais c'est vite réglé, j'en mange pas. Moi, huître. Mais il faut que ce soit bien frais. Non, mais vous êtes toujours saoulant. Moi, j'aime pas les huîtres. Et vous êtes toujours saoulant, vous qui aimez les huîtres. Parce que vous avez toujours ce truc insupportable de dire mais attends, parce que tu les as pas bien goûtées. Celles-là, elles sont bonnes, elles sont petites. Mais non, que vous mettiez du citron, du jus d'orange dedans, de la glace, je n'aime pas ça. C'est pas bon. Et chaude, t'aimes pas chaude. Mais je n'aime ni chaude ni froide. Je n'aime pas l'huître en elle-même. Je trouve que c'est un animal qui n'a aucun intérêt. C'est comme l'oursin. Laissez-le où il est. Il est là. Le premier mec qui a bouffé des oursins, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, le gars? T'imagines? Le gars qui a vu un oursin, il a dit ça, les gars, ça se mange. Exactement, exactement. La croquette. J'ai fait pareil avec une châtaigne, c'est bon. J'ai fait pareil avec un caillou il y a deux jours, je jure. Pas encore trouvé le truc, mais ça se mange. Dans un instant, jusqu'à 10 000 euros à gagner, 7, 10, 12 par SMS en mettant Koé devant. Ça va tomber, je le sens aujourd'hui. Vous allez gagner des sous et ça vous fera plaisir. 5000 euros tout à l'heure après 18h, grâce à nos amis de Otakos. Pour les gagner, les 5000 euros seulement sur Twitter. Suivez-moi, Koé officiel, RT, et vous vous mettez entre Jeff et Bichette. Pour être très honnête, pour l'instant, beaucoup de gens pensent que Jeff qui va gagner. Méfiez-vous des maigres. Moi, je mets mon billet sur Bichette. Le champion américain de hot dog, toute catégorie, c'est un tout petit jeune homme asiatique. C'est il est tout fin comme tout. Et chaque année, il éclate les costauds. Donc pensez-y. C'est vrai, c'est vrai. Je vais t'éclater les costauds. Dans un instant, le Zap Télé de Miko, je le disais, la compile où on croit au Père Noël, où on n'y croit pas. Nous aurons le chasseur qui a tiré sur le TGV tout à l'heure. Mais vous le savez, les soirs de Noël, on ne fait pas les mêmes choses en fonction de l'âge. Oui. Mais il y a un truc qui est sorti, je vais vous en lire quelques-uns. Je vous fais pas les pourcentages complets. Mais vous aurez en gros l'idée. Voilà ce qu'on fait quand on a 10 ans à Noël. Bah, 10% déjà demandent à sortir de table avant le plat pour aller regarder des films de Noël. C'est vrai. 60% passent la soirée à jouer tranquille à la console ou avec un nouveau jeu comme ça qui a été offert. Quand on a 15 ans, 60% envoient des textos à leurs potes pour savoir ce qu'ils ont eu. 10% se disent « Eh oui, j'ai encore grandi ». Quand on a 18 ans, 50% se disent « Ça y est, je peux enfin boire du vin à table, donc j'adore ce repas de Noël ». Et 10% disent « Oui, je fume, ça fait 4 ans ». Quand on a 25 ans, 30%, pour eux, c'est dépenser une fortune dans les cadeaux de ses neveux ou de ses nièces, alors qu'ils s'en foutent totalement au bout de 2 minutes et joueront avec le plastique, ces petits cons. 15% se disent que c'était naze avec sa famille, mais pas autant que chez sa belle famille. Et enfin, 8% qui vont dire « Oh, des verres à vin, vraiment, merci, fallait pas ». Mais moi, quand je dis, je suis premier degré. Quand je dis « Merci, fallait pas », croyez-moi, fallait pas. Noël à 35 ans, 10% se disent « Ça serait sympa qu'il neige pour faire un peu plus Noël ». Ça, on se le dit quand on a 35 ans. Et 20% vérifient leur mail à table sans trop savoir pourquoi. On sait jamais s'il y avait un mail important. À 50 ans, 50% ont organisé tout le repas de Noël. Ouais. Et 10% disent « Posez votre portable, ça suffit, on est en famille ». Noël à 70 ans, 40% se disent « Reprendre 6 fois du champagne parce que de toute façon, foutu pour foutu ». Et 40% se disent « Reprendre 3 fois du foie gras parce que de toute façon, encore foutu pour foutu ». Voilà, en gros, ce qui vous attend pour Noël. Bienvenue tout le monde. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running, you running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tiene demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, say my name. Sur Énergie. Avant de vous offrir beaucoup d'argent jusqu'à 10 000 euros, je voudrais revenir tout à l'heure, je lirai tous vos messages. Hein, tous vos messages, il y en a beaucoup dans des réactions sur Aya Nakamura d'hier et beaucoup de réactions sur le public qui ne savait pas chanter la Marseillaise. Ouais. Quand je vous dis que j'écoute tous les, je lis vos messages que vous me laissez sur Twitter, sur Facebook et sur Insta, vous laissez des messages aussi dans les messages d'Instagram, c'est Koé officiel. D'ailleurs, merci de me suivre, ça fait très plaisir, je suis très content de voir vos messages à chaque fois et c'est toujours très gentil. Et il y a quelqu'un hier qui était offusqué qu'ils ne connaissent pas la Marseillaise. Alors écoutez bien, le message, il est très rapide, il est très court. Putain, j'ai tous envie de leur mettre des claques là, l'hymne national, putain. Voilà, c'était rapide, mais on sent le gars qui n'était pas très content qu'on ne connaisse pas. Ça, vous êtes prêts? Vous avez tous une enveloppe? Ouais. Oui. 2 à 1500, une à 10 000, une à 1000, une à 500, une à 15 euros. Ça fait beaucoup d'argent, quoi qu'il se passe. Si je vous appelle maintenant ou si je vous appelle tous les jours à 17h30, vous pouvez gagner de l'argent. Et donc jusqu'à 10 000 euros, boum, c'est parti. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12 par SMS en mettant Koé devant. En pleine forme, moi. Oui, ça se voit. Mieux qu'hier. Tu sautes dans tous les sens. Non, hier, j'étais hier fatigué. Oui, allô, oui, allô, Valérie. Oui. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Valérie? Casse ta fille. Non, c'est pas vrai. Ça va, Valérie? Ah oh, bah oui, ça va trop bien, même. Oh, ça me fait très plaisir de t'avoir. La journée s'est bien passée? Ouais, ça va, c'est, oui, ça va. Il y a qui à côté de toi? Mon petit cœur, ma petite fille que je viens de récupérer. Comment elle s'appelle? Justine. Elle a l'air toute petite. Oui, elle a 4 ans. D'accord, tu n'es pas si petite que ça, je pense que tu es plus petite que ça. Tu lui fais un bisou pour moi, déjà. Un bisou. C'est de la part de Koé, mon bébé. Attention, tu me choisis la bonne enveloppe. Écoute-moi bien, concentre-toi maintenant, ma petite Valérie. Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Je suis téléconseillère à la caisse primaire d'assurance maladie. Très bien. Sache que si jamais tu viens gagner quelque chose, nous ferons comme le temps de remboursement chez vous. C'est-à-dire que tu l'auras entre 3 et 6 mois. Ah bah, ça va être compliqué. Hashtag vengeance. Et quand tu essaieras de nous rappeler, nous ne serons pas joignables comme toi. Exactement ça. C'est 15 ans toi. Voilà, tu verras ce que c'est d'être de l'autre côté. Attention, donc il y a Stouff. Il y a Jeff, il y a Bichette, notre réalisateur, Bordas, Miko, il y a moi-même, nous avons tous une enveloppe, choisis la bonne enveloppe et gagne des sous. Bordas, c'est mon chouchou. Ah, ça fait plaisir. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est vrai que je vous aime énormément, mais Bordas, voilà, il me fait penser à mon pays du sud-ouest, je sais pas, c'est... Il te fait penser à quoi? Attends, il est breton. Il te fait penser au sud-ouest, mec, c'est sud-ouest. Ouais, ouais, mec, c'est même pas ta région. D'accord, ok. C'est très gentil. Ouverture de l'enveloppe, concentration. Allez, c'est parti. Il y a Justine qui est à côté. Ouais. Alors... C'est pas 100 euros. Alors, on y va. Déjà, c'est pas 100 euros. C'est plus de 100 euros. C'est pas 200 euros. C'est plus de 200 euros. Ouais. C'est pas 500 euros. Tu vas t'accélérer parce qu'elle va tomber celle-là. Écoute, ah ouais, franchement, ça me fait plaisir pour toi. Ça me touche. Tu gagnes 1500 euros. Valérie, 1500 euros. Bravo. Bravo. À quelques jours de Noël, c'est ce qu'on t'offre. Ah oui, c'est trop bien, merci. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse vraiment, vraiment très très fort. Et ça, un gros bisou, merci à tous. Vous êtes au top. Fais un gros bisou, Justine, pour nous. Elle est à côté. Ça marche. Merci. Oui. Embrasse-la pour nous. Et puis voilà. Et puis je te souhaite un joyeux Noël et que du bonheur. D'accord, ma. Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Bisous, Valérie. Je t'embrasse fort. À bientôt. Bisous, ma belle. Oh, ok, ça va, ça me fait plaisir. Ça y est, je suis un homme heureux. Tous les jours, ça se passe comme ça sur Énergie. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et t'apprends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène, tourne. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin. N'oubliez pas, dans un instant, il y aura Rihanna et Drake qu'on va se réentendre. Work, work, work, work. Ça va être très, très bien. Très bien. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Dans un instant, l'actu est tombée cet après-midi. Un chasseur a donc tiré sur un TGV, aucune victime, au niveau d'Avignon. Enfin, bah, il était au niveau d'Avignon, mais il a tiré au niveau d'un siège surtout. Hein. Donc tout, mais c'est l'escalade, les gars. Oui. Un TGV. C'est-à-dire que comment tu peux. De loin, un VTT, t'as pas une bonne vue. Bon, tu vois pas le A et le Z quand t'es chez le gars pour tes yeux. On peut comprendre, tu vois, va vite fait passer un, tu dis tiens, un sanglier. Mais là, TGV, on en parlera dans un instant, nous l'aurons en ligne. Le Zap Télé de Mico, il y avait quoi hier? Alors, hier soir, dans le journal de France 2, petit lapsus d'Anne-Sophie Lapix, il s'est trompé de prénom en lançant sa journaliste. Elle l'a confondu avec sa concurrente de TF1. Le plan Vigipirate a été porté hier soir à son plus haut niveau. Urgence attentat. On retrouve à Strasbourg, devant la frontière allemande, Anne-Claire Coudray, Poignard, excusez-moi. Ah bonsoir, Anne-Claire. Non, c'est pas elle. Tu ça, veut dire, non, ça, c'est un lapsus. Ça veut dire, tu mérites, tu sais quoi, Anne-Claire Coudray mériterait d'être là-bas. Elle a rien à faire, elle a rien à faire, c'est de la jalousie, t'as rien à faire sur TF1, moi je te la mets trop rond-point, moi, elle l'air coudrée. On continue. Dans Maison à vendre sur M6, Stéphane Plaza fait la démo d'une étagère. Et attends. Qu'est-ce qui va se passer? L'étagère tombe. Voilà. Ça, c'est, ça supporte. Oui. Ah oui, c'est bien fixé. Bien drôle, Stéphane. Voilà. Stéphane. Il est maladroit. Oh là là, il est maladroit. C'est ça qui est bien avec M6, c'est que tu peux regarder. Ne regarde pas les émissions, tu sais ce qui va se passer. Etchebest, tu sais que ça va chialer. Ouais. Et lui, et qu'il vont, il va vouloir quitter l'aventure au milieu, que les gens ils vont quitter la cuisine, et lui, il va faire tomber un placard. Donc, ça, tu le sais à l'avance. Bon, alors M6, toujours avec cette championne du monde des reines du shopping, tu vas kiffer, Coco. Elle craque sur un jean. Sauf que c'est le sien. Alors, j'aime beaucoup le jean. Ah, mais en fait, il y a un trou dedans, madame. Ah, ça, c'est pas chic. Il y a un trou dedans. Ouais. Alors, je me permets. Alors, par contre, ce n'est pas le jean que je vous ai donné. Je ne vends pas cette marque. Je pense que c'est votre jean. C'est mon jean que j'ai mis. C'est une plaisanterie. Elle va se rhabiller en fait. Ah oui, la nana se rhabille, elle va. Oui, oh là là. Ah ouais, il va super bien. Oh là là. Je vais le prendre. Il y a un niveau. Il y a un niveau. Le chasseur qui a tiré sur le TGV, vous l'aurez dans un instant. Restez là. Heureusement, pas de victimes. La compile de ceux qui croient au Père Noël mais n'y croient pas. 18h, l'émission en public. Ça se passe sur Énergie tous les jours. Voici Drake et Rihanna. Deserting. be lurking. You better go back, man, you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Never seen something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And tell me about that work, work, work, work, work, work. Na na na na na. When you walk out, na na na na na. Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. You. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It sent me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my da, da, da, da, da, da. Tell me about that why, why, why, why, why. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my ta, ta, ta, ta, ta. Yeah, okay, yo. Get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It sent me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da, da, da, da, da, da. Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Merci de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Koé officiel partout, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Suivez-moi et ça me fera très plaisir. Il y a 5 000 € à gagner tout à l'heure si vous me suivez sur Twitter. Vous pouvez les gagner tout à l'heure grâce à Otakos. Attention, pour l'instant, direction l'affaire qui s'est passée aujourd'hui. On vient d'apprendre un truc. Ça m'a fait du bien quand même. Je dis ça, mais ça m'a fait du bien de réécouter Rihanna. Oui. Ah oui. Je le dis. Quand c'est bien, c'est bien. Je suis très content. Bon, tout ça pour vous dire également que la semaine prochaine, Rita Ora sera là. Elle sera avec nous. Il y aura Jennifer qui sera là. T'as le temps, c'est dans une semaine. Donc, ça va, pas non plus. T'as le temps de venir. T'es large, large, ça passe crème. Mais en attendant, ce qui n'est pas passé crème, c'est une munition de chasse qui a atterri dans l'appui-tête d'un siège d'un TGV. Alors, ils disent que les mecs ont peut-être tiré sur les chasseurs. Voilà, par inadvertance, certainement par inadvertance. Alors, après l'affaire du VTT, est-ce qu'on peut être mis en communication avec le chasseur, s'il vous plaît? Je fais ça tout de suite. Ah, on les a. Attends, bouge pas, allô, je vais voir les gars de Paris. Allô? Allô? Allô? Oh putain! Ah, excuse-moi, pardon! Ça va, c'est rien, c'est un tibia, ça repousse. Allô, ouais? Mais comment vous avez pu tirer sur un TGV? Bah, ça, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des dommages collatéraux, quoi. Collatéraux? Ouais, aussi, ouais, des deux côtés. Ouais, mais un TGV quand même? Bah, ça, c'est le stress du moment, c'est-à-dire, on a entendu bouger dans la forêt, et bam! On a tiré, quoi. Non, mais un TGV? Ouais, bah avec le brouillard, un TGV, c'est comme un gros ver de terre de loin, quoi. Moi, j'ai pas 10-10 à deux yeux, donc si on avait un coup dans le nez, donc bon, faut pas nous demander des miracles. Du coup, j'ai tiré, mais bon, vous avez vu? Je l'ai eu, hein. Bien, ouais. Ah, il est en plein dans le siège, bam! Ah, j'aurais voulu, j'aurais pas pu, hein. Mais bon, j'aurais pu faire mieux, hein. Il a réussi à prendre la fuite, le con. Mais t'as eu des ennuis avec ça? Comment? Vous avez eu des ennuis avec ça? Attends, suis-toi, d'accord. Ouais, ouais. Ok, c'est pas parce qu'on boit la même chose. Écoute-moi bien, toi, gamin, c'est pas parce qu'on boit la même chose que tu vas me tutoyer, toi. Écoute-moi bien, qu'est-ce que tu disais? Vous avez eu des ennuis avec ça? Bah ouais, ouais, bah le problème, c'est ça, c'est Kiki, c'est mon chien.

Donc bam, voilà. Bam, je suis à Rouen. Donc, ouais, donc je... resto aussi. Hein. Bam, bam. Ou peut-être les prendre sur scène. J'irai les gars, ouais. Je suis sur scène. Ah, tu peux. On y va à la cool. Bon, est-ce que tout le monde dans cette équipe, dites-moi oui, est-ce que tout le monde croit au Père Noël? Ah oui, bah, oui, bien sûr. Voici la compile de ceux qui croient ou pas au Père Noël. D'abord, ceux qui y croient, Christophe Mahé. Parce qu'on sait jamais. Bah oui, tiens. Tu regardes où? On regarde vers le haut. Ah voilà, c'est ça, c'est pas une taupe, hein, il va pas venir d'en bas. De Palmas y croit aussi. Tu veux ton train électrique, hein. Lara Fabian, on n'en parle pas. Waouh, mais si tu pouvais y croire moins fort, ça m'arrangerait. Même Johnny lui avait envoyé une lettre. Évidemment, il y a les sceptiques. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien, parce que l'avenir nous réserve pas. Ouais. On verra bien. Même Alonso, il est sceptique. Wesh, papa, allô. Tu réponds pas, tu saoules, t'es où, allô. J'attends mon train électrique, même Stromae l'attend toujours. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Et tragédie, ces cons-là qui crient dans la cheminée. Même Gims essaie encore d'y croire. Ah non, c'est pas celui-là. J'essaie d'y croire. Je me vois de sûrement la face. Je me vois de sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. Oh, tu exagères. J'ai fait confiance. Oh. Aveuglé de ma confiance. Enfin. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Oh, mais arrête, on fait toutes des histoires. Et puis, il y a ceux qui n'y croient plus au Père Noël. Elle fait une menteuse, elle est là pour plaisanter. Oh, bon, bon petit bonhomme, il croit que sa maman lui a raconté des bêtises. Non, Black M, lui, par contre, il est pas bien du tout. Hein. Black M, parce qu'il y a cru, Black M, il ah y a ouais cru énormément. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Ah ouais. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Exagère. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Ça va aller, mon grand. On se fait du mal. On se fait du mal. Le Père Noël sera là le 24 au soir. Restez avec nous, l'émission publique va démarrer. C'est pas violent du tout, mec. Bah, waouh. C'est toi qui as coupé. Ah, la formation accélérée, tu l'as prise très accélérée. Voici Gigi Snake sur Energy. Oh, oh. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, taki, taki. Tienes un besito o un naki. Puya flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Hacer lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. tight every day. And I know you need a taste. I'm out, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We're high in the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Cette semaine, on a 5000 euros à gagner dans un instant. Je vous expliquerai comment. La semaine prochaine, je suis ravi. On aura avec nous Rita Ora qui sera là. Il y aura Jennifer qui viendra nous voir. Et puis lundi, une chanson engagée. Voilà, je vous le dis, hein, des fois il faut avoir des chansons. Il faut des fois savoir. Oui. Voilà, il sera notre invité lundi, parce que nous on l'aime beaucoup, il viendra nous faire un petit bonjour. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, oh gilet jaune. J'adore ça. Cop John il s'appelle. Cop Johnson, ouais. C'est lundi, Cop Johnson. Oui. Donc c'est lundi qui viendra. Voilà, j'espère que tout va bien, vous avez passé une belle journée, l'équipe va bien. Oui, le public va bien. Bordas, t'arrêtes de t'agiter, je vais te gifler. Ouais, bah, j'ai l'impression d'être j'ai un gamin hyperactif qui putain. Ah, je me dis pourquoi il fait ça. Sans déconner, mais c'est... on est numéro 1 TT France. Voilà. Ouais. Tu allez, un cadeau. Ah tiens, bois. Allez, ça bien. C'est tout déshydraté. Ça te repousser. Je te donnerai un autre tacos tout à l'heure, puisque le public, vous avez mangé. Le mec, il sait plus quoi dire. Qu'est-ce que je dois dire? D'accord. Tout à l'heure, grâce à Otakos, tout le public va manger. Et tout à l'heure, grâce à Otakos, nous allons avoir Jeff et Bichette qui vont s'affronter avec le Gigatakos. C'est la guerre. 2,5 kg. Alors, avec à l'intérieur, je crois que vous avez regardé l'équipe, vous avez regardé, il y a combien de viande à l'intérieur? 5, ouais. Dont du cordon bleu et des nuggets, qui est quand même. Steak haché, merguez, cordon bleu, nuggets. Et il paraît qu'il y a un bœuf qui rentre directement en entier dedans. Il paraît qu'il y a les pattes de l'animal qui dépassent. Mais... c'est la fève. Faut le prendre par les pattes comme ça. Tu manges. En tout cas, le premier de vous deux qui va le plus loin fera gagner à un auditeur 5000 euros. Comment gagner 5000 euros? Ça va être extrêmement simple. Vous allez sur mon compte Twitter, Koé Officiel. Vous me suivez. C'est comme si vous ne me suiviez pas, vous me suivez. Ouais. Bienvenue dans la grande famille. Vous êtes 2 670 000. Donc vous venez, vous me suivez. Il y a un compte, le premier hashtag qui est en haut, le premier message, vous le retweetez. Et là, vous dites dans vos commentaires si vous êtes pour Jeff ou pour Bichette. Et nous prendrons quelqu'un dedans, uniquement là, qui pourra gagner 5000 euros. Ce n'est pas 5000 euros à partager, c'est 5000 euros d'un coup. Et Jeff et Bichette, bon, vous avez... Mais si, ils se sont entraînés les deux, ils n'ont pas mangé. Depuis ce matin, j'ai rien mangé depuis hier soir. Pourquoi, à 5h du mat, t'as mangé? Bah, j'ai mangé un petit déjeuner. 5h du mat. Qui déjeuner? T'as mangé à 6h? D'où tu te lèves à 6h, toi? Bah, je me lève à 6h tous les matins. Je suis une espèce de mytho, t'arrives avec les yeux en trou de pine à 9h du mat. L'autre, il arrive, il est comme ça, il est debout. Je suis debout à 6h, 6h30 tous les matins. Pourquoi? J'arrive pas à dormir, putain. Je choisis pas, j'arrive pas à dormir. Quand on est allé à Lille avec Miko, à 6h30, on a reçu un message de Jeff. Et parce qu'il gérait les taxis. Non, mais il le fait très bien. J'arrive pas à dormir tard. Faut dire que Jeff est au régime. Oui, en plus. C'est surtout que quand il savait qu'il y avait un gigatacos de 2,5 kg, il a admis. Si, comme les enfants qui sont émerveillés par Noël, ils n'arrivent pas à dormir, t'es comme ça. comme quand t'es gamin, que tu sais que tu pars en vacances, tu dors plus. Vite, vite. Il s'est dit, j'ai un gigatacos, papa. Et comme un fou, depuis tout à l'heure, on le retient, il fait des roulades et tout, il est heureux. Bichette contre Jeff, Jeff contre Bichette. Je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vois passer beaucoup de gens qui disent c'est Jeff qui va gagner. Méfiez-vous des apparences. Oui, David contre Goliath. Celui qui gagne le championnat du monde de hot dog aux États-Unis chaque année, c'est un jeune homme. Je crois qu'il a gagné 3 ou 4 années de suite. Ouais. C'est un jeune asiatique tout petit. Tu vois les mecs à côté, ils sont écœurés. Le type, il prend sa saucisse, il prend son morceau de pain et il boit du soda. Et tu sais même pas où il le met. C'est même pas, tu sais même pas où ça part tout ça. Je sais pas c'est où. Chelou, il, c'est chelou. Oui, il a une dérivation, ça part dans l'autre côté. Il a une poche. Perso, moi j'ai vu le menu McDo de Bichette à Cannes. Oui, il a pas le faire. Ouais. Voilà, il a pris pour 8 personnes. T'as pas mangé non plus midi ? Non, depuis hier soir. La compète va être magnifique. Ça va être serré. Un tacos de 2,5 kg, moi j'ai vu l'image, c'est un plateau. Vous voyez les plateaux repas oui, de la cantine plateau, ouais. C'est un plateau. Tu peux faire des maisons avec. Voilà, on y va. Quelques hashtags, monsieur Bordas. Et après, je lirai plein de vos messages. Il y a plein de messages. On a Jonathan qui a tweeté avec le hashtag au repas de Noël. Un Jonathan, un jour intelligent. Au repas de Noël, il y a toujours cet enfant gâté qui n'est jamais content de ses cadeaux. Non, non, non. Oui, oui, continue. Ne fais pas comme si j'avais fait une vanne pourrie. C'est pas grave. Mac Powers qui nous dit au repas de Noël, il y a toujours ce zapping télé de moins en moins drôle chaque année. C'est vrai. Ouais, ah, c'est plus les bêtisiers. Surtout les mêmes. Hein, les bêtisiers, ouais. Voilà. C'est toujours les mêmes. Continue. Il y a Vanessa qui nous dit au repas de Noël, il y a toujours cette tante qui fait la flic de table pour éviter que certains bouffent tout. Oui, mais en même temps, il y en a certains qui bouffent tout, donc c'est chiant. Oui, c'est vrai. C'est chiant. Et tu sais, il y a toujours au repas de Noël les enfants que tu les vois pas et qui te font la pelleteuse. Tu sais, tu vois les mains elles arrivent sur la table et ils te prennent des trucs, mais ça repart. c'est pas des cacahuètes, c'est une poignée que les mômes prennent. C'est, il est déjà 20h30, ils ont plus faim, ils ont mangé des trucs dans tous les sens. Ils ont tout, et après, ils sont malades. Voilà. Et voilà. Parce qu'ils voient pas ce qu'ils prennent. Voilà. Dans un instant, je lirai tout. C'est le mec qui met des morceaux de citron, de la moutarde. Allez, un peu de wasabi. Vas-y, tiens, amuse-toi. Tu sais, les gens qui ont des bébés, c'est la première expérience qu'ils font avec c'est les bébés. Citron, c'est de leur mettre du citron sur le bout de la bouche ou un peu sur de moutarde. Tu sais, tu mets un peu de moutarde sur le doigt et ils te disent comme ça. Tu l'as fait, toi ? Hein ? Tu l'as fait avec tes le enfants ? Le pot. Mais si, je les ai mis à la Légion étrangère à l'âge de 4 ans. Ça, c'était réglé. Restez avec nous dans un instant. Je vous lirai pas mal de messages que vous nous avez laissés sur tous les réseaux sociaux. Je vais être honnête avec vous. Beaucoup parlent de Aya Nakamura hier. Oui. On se dira tout dans quelques minutes. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffe. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas quand t'es pas là.

Père Noël, il avait pas déjà tout dévalisé? Justement non, chez King Jouet, il y a encore des licornes Poupsy, des toupies Beyblade, des boules LOL. C'est vrai? Oui, et on peut réserver sur king-jouet.com et retirer en magasin dans les 4 jours qui suivent. Avec nous, la question du Père Noël, nous l'aurons tout à l'heure. Nous aurons le grand concours pour savoir qui mange le mieux. On apprend aujourd'hui dans le journal que Isha Ambani, c'est la fille la plus, de l'homme le plus riche d'Inde, vient de se marier. Pour faire plaisir à sa fille, le papa lui a fait un petit cadeau. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a fait? Une voiture, une grosse voiture. Ça a été dit dans le public. J'ai pas entendu. Ça a été dit, tu as Beyoncé dit Beyoncé, c'est ouais, le micro marche. Beyoncé. C'est ça, il lui a offert un concert privé. Le concert privé de Beyoncé. Beyoncé. Ça coûte combien? Il a les moyens. On ne sait pas combien ça coûte, on sait juste que lui, il a une fortune de 43 milliards de dollars. Oui. Ah oui, c'est fou, quoi. C'est large. Ah ben, vivement qu'elle voit un reportage sur la France, à dire oh papa, des gilets jaunes, je veux un rond-point. Bah, Dieu, va te construire un rond-point dans ta chambre, ma chérie. Des petits gilets jaunes qui courent. Et puisqu'on parlait de gilets jaunes, ça c'est important. Un couple se souviendra longtemps de la naissance de leur deuxième fille. Mardi, Julien conduit sa femme Gaëlle à l'hôpital. 30 minutes de route, elle dit c'est trop tard, le bébé arrive. Il s'arrête sur le bas-côté parce qu'il y avait les gilets jaunes qui bloquaient le rond-point. La petite jeune fille est née. Ni une ni deux, la police est là et les pompiers ont pu arriver. Ouais. Et tout le monde a pu être emmené à la maternité. Tout va bien, le papa a réussi à accoucher la petite fille. Et les gilets jaunes, ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus amener des cadeaux à la maternité. Ah, pour c'est mignon. C'est mignon, non? C'est mignon. Et puis, qu'est-ce que tu peux amener comme cadeau quand t'es gilet jaune? Des pneus, des palettes, un péage? Une merguez. Qu'est-ce que tu Une merguez. Tiens, un barrière de péage pour la petite. Voilà, ça fait plaisir. Et un petit gilet jaune à son âge, de sa taille. Un radar. Voilà, et un petit gaz, une petite gaz. En tout cas, non, je déconne, mais c'est une très belle attention. Je vous lis beaucoup de messages, on y va. Allez. Après, on aura l'appel promo. Alors, hier, Aya Nakamura était notre invité et je vais être très transparent avec vous. Vous savez que je le suis toujours. Je n'osais pas lire les messages sur Facebook parce que, quand même, les messages sur Facebook étaient quand même très... assez négatif. Incisif. Voilà. Et donc, il y a des phases avec Miko et moi où on parlait tout doucement dans le micro. On disait, allez-y doucement quand même. Parce qu'elle était à côté. Et pourquoi ces messages? C'est par rapport à son attitude. C'était beaucoup de gens qui remettaient en question l'attitude, voilà, qui disaient comment tu peux venir et ne pas parler. Froide. Parce qu'elle était tout le temps sur son téléphone, elle regardait personne, elle parlait pas. Elle est peut-être timide aussi. Non, mais voilà, non, bah, moi je condamne. Je vais vous dire un truc, je vais être honnête avec vous, je condamne pas et je m'en balèque surtout. Donc, s'il y avait très honnête, s'il y avait désagréable et regarder son téléphone portable, elle fait ce qu'elle veut. Moi je suis pas là pour vivre avec les invités, moi je leur offre l'opportunité d'être sympa et d'être truc. S'ils sont timides, ou machin, voilà, moi je pense que c'est plus de la timidité qu'autre chose. Je pense aussi. Mais ça ne me. Bon, et pas plus que ça. Voilà. Le principal, c'est qu'elle chante, les fans étaient contents, et puis tout le monde est heureux. Maël Labarre dit, ayant vu le Facebook Live, j'ai l'impression que Miko et Coco n'en pouvaient plus et essayaient de rester soft devant Aya. David Tarros dit, Miko, j'en peux plus, ce moment avec Coco pendant la pub et les vannes du chat, vous m'avez tué, tu devrais remater le live, c'était ouf. Je veux pas le revoir. Alors après, message d'indignation pour la Marseillaise, hein, je vais être honnête avec vous, hier le public ne connaissait pas la Marseillaise. Avec le fameux message. Avec le fameux message de cet auditeur qui m'a envoyé sur mon Insta, je l'ai récupéré tout à l'heure. Putain, j'ai tous envie de leur mettre des claques, là. L'hymne national, putain. C'est extrême, mais ça vient du cœur. Alors, j'en lis quelques-uns. Mathieu dit honte au public et aux jeunes de ne pas connaître la Marseillaise. Mathieu, 37 ans. Nico dit c'est une blague. Des personnes qui ne connaissent pas la Marseillaise, estopé. Elodie dit franchement, la Marseillaise, c'est abusé. Ma fille de 6 ans la connaît par cœur. Alors, oui, bon, bah voilà, on va. Ça, alors, le gars qui sait qui c'est toujours de. Je suis un peu Franck Dubos, 50-50. J'entends la veste. Oui, alors évidemment, il la connaissait pas, mais je me dis que c'est peut-être le micro, le stress, et tu perds tes moyens. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Et là, le public, je sais ce qu'ils se disent. Ils se disent, pourvu que tu ne viennes pas avec ton micro nous voir pour la Marseillaise. Eh bien, pas tous les jours. David dit, est-ce qu'il est possible de discuter avec vous? Bonjour, je voudrais vous remercier pour votre participation au Palais des Sports, le 11, David, bénévole, et Paul Rose. Je fais un gros bisou à tous les bénévoles. Tout le monde chante contre le cancer. Ce sera bientôt sur W9 et j'ai chanté avec les trois cafés gourmands. Et peu importe le résultat, je me suis beaucoup amusé à chanter avec eux. Voilà, c'était vraiment bien, dans une bonne ambiance et on s'est bien marré. Surtout qu'il y avait des chanteurs avant nous, après nous. Ça chantait du Nicoletta et tout, la Tanas. Nous, on a chanté un truc festif, mais il y en avait. Pas la même ambiance. Tu t'es souvenu des paroles? T'as pas eu de. Vas-y, il y avait un prompteur. T'as réussi à lire? Oui, ça va. Message de. J'avais un labrador à côté. Qui chantait avec moi. Benoît, alias David Jefferson, qui me dit Coé, tape idiot sur Google et regarde les images. Alors je l'ai fait. Si vous voulez vous amuser, vous tapez idiot et vous verrez, il n'y a que des photos de genre de Donald Trump. Message de Anto, impressionné du discours de Coé sur Strasbourg hier et de ce qui se passe sur Internet. Franchement, c'est beau. Merci d'être réaliste. Ah bah écoute, c'est gentil. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais. Devait continuer à vivre. Voilà. Ça devait être ça. Message de Mathis. Salut Coco, j'ai entendu la radio, vous aviez reçu des cartes dédicacées. Je voudrais savoir si c'est possible d'en avoir une. Mais bisous et bonne fin de semaine, bien sûr. Oui. Tiens, hop, les amis. Pour les faire dédicacer, hein. C'est pas le tout de prendre la feuille. Message de Anaïs. Bonjour, hier mes filles ont adoré la reprise de Koé du son russe, mais impossible de me rappeler le titre. Skidibis, ça s'appelle. Mes filles le réclament. Vous pouvez me mettre Skidibis juste après? Juste après. Juste après, maintenant. D'accord. Merci. Prochain disque, en fait. Voilà. Dominique Onfray qui dit salut Coé, est-ce que c'est toi qui es né le même jour que moi, le 13 mai 69? Ah, bah voilà, pas du tout. Ah là, merci Dominique. Message de Jessica qui nous dit bonjour Coé, je suis super content de t'écouter en voiture. Gros bisous, Jessica Loudin. On t'embrasse, Jessica. La râleuse qui dit merci à toi et ton équipe d'être sur Énergie. Le soir, vous êtes trop au top, vous me faites rire, ne changez pas, vous êtes géniaux. Bah, râle pas tant que ça. Quoi d'autre encore? Emily Manon qui dit coucou, je vous écoute depuis un mois, j'adore l'émission de 17h. Par contre, j'ai tous vos surnoms, mais j'ai pas vos prénoms. Ça serait sympa de les connaître. Bisous à tous. C'est vrai qu'à force de donner des surnoms, Bordas. Monsieur Bordas, la Bordasserie, quel est votre prénom? Alors moi, c'est Guillaume. Voilà, monsieur original. Jeff, attention, on est allé chercher très loin. Quel est votre prénom? Jean-François. Bah oui, d'où Jeff. Voilà, Stouff. Stéphanie. Ben voilà. Ah oui. Stéphanie, très bien. Miko. Je m'appelle Brandon. Non. Miko pour Michael. Michael. Et moi, c'est Guillaume. Guillaume, et voilà, il s'appelle. Non, mais et surtout, il a un nom de vieux journaliste, il s'appelle Guillaume Durand. Ouais. Vous comprenez pourquoi on l'a appelé Bichette, Guillaume Durand. Oh, ça marche pas. Guy Claude, on continue. Guy Claude, quel est ton prénom? Et moi, c'est Corentin. Corentin. Ouais, c'est Corentin. Jean-Jacques, Cyril, voilà. Tout ce que vous voulez. La magie tombe. Pierre, c'est Pierre. Et Maxent, c'est Toyote. Et Maxent, voilà. C'est et Lucas. C'est Toyote. Voilà. Et il faut quand même que je dise que Pierre, notre assistante, tout à l'heure, je lui ai demandé un truc pour mesurer qui aurait mangé le plus de tacos. Oui. Et Pierre, vous auriez dû voir ses yeux, un enfant qui a trouvé un truc génial. Il vient me voir, il me dit hey, Coco, t'as vu ce que j'ai trouvé pour mesurer le tacos? Et je lui dis bah ouais, un mètre. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, c'est ça. Tu joues avec pendant la pub, toi. Ouais, parce que j'adore, c'est le truc qui rentre tout seul. Dans voilà. Un instant, hop là. Dans un instant, allez, tiens, Jeff, prends-le. Hop là. Dans un instant. À chaque fois. Hein. Allez, Jeff, prends-le. Hop là. Dans un instant. Encore. Nous allons jouer avec l'appel promo dans un magasin de fringues. C'est pour toi. Attention. On s'occupera de l'appel promo pour faire notre publicité. Restez avec nous. C'est là que ça se passe. Et on sera en Facebook Live tout à l'heure pour voir le carnage. Voilà. J'ai envie. Choc des titans. On s'écoute Skinny Bee. Ouais. Allez, les mecs, l'original. En Russie, ils ont fait 70 ou 80 millions de vues. C'est une danse idiote. Hein. Vous pouvez vous balader comme ça, voilà. Et le truc qui rentre dans la tête, on s'est fait la version française, on y va. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Facile. Aujourd'hui, on m'a dit Coé, fais-moi un tube. Alors j'ai répondu, c'est tranquille, trop facile. Ça va prendre 5 minutes, sauf qu'un seul truc m'est venu. Ouais. Un seul truc m'est venu. Skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapapa, skibidi papa, skibidi boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom boom, papa boom boom, skibidi papa. J'ai la phrase de génie qui va tout déchirer toute la nuit. Ça m'a pris, mais ça y est, j'ai trouvé. Sauf qu'un seul truc m'est venu. Un seul truc m'est venu. Skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapapa, skibidi papa, skibidi boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom boom, papa boom boom, skibidi papa, skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapa. On finit en beauté. Rappel de la Corée, fais comme si tu marchais. Les pieds dans la purée, croise les bras, lève les coudes, sans jamais t'arrêter. Un seul truc m'est venu. Un seul truc m'est venu. Un seul truc. Un seul truc m'est venu. Skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapapapa, skibidi papa, skibidi boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom boom, papa boom boom, skibidi papa, skibidi wapapa, skibidi wapapapa, skibidi wapapapa, skibidi papa, skibidi boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom, aïe, skibidi boom boom boom boom boom, papa boom boom, skibidi. C'est Coé sur Énergie. Ça va vous pourrir la tête cette chanson. Restez avec nous. N'oubliez pas donc la semaine prochaine, Rita Ora et Jennifer sont nos invités. La semaine prochaine, il y aura encore des cadeaux de Noël de dingue. Il y a eu 1 500 € de gagner tout à l'heure au cache-cache. Je vois passer des messages tous les jours de gens qui me disent vous ne m'appelez jamais. Vous, je m'inscris. Ben si, tous les jours on fait gagner des auditeurs. 1 500 € et tous les jours je mettrai plus d'argent. plus. Encore plus d'enveloppes avec plus d'argent pour que ça gagne. Ouais, bah du cœur. Quelle générosité. Non, mais si, bon, ça va, c'est jusqu'à Noël. Rouen, on arrive pour le One Man, dépêchez-vous. C'est prenez les dernières places au théâtre à l'Ouest, c'est ce week-end. Lille, le spotlight, la semaine prochaine, c'est plein. Bim. C'est complet. Et ensuite, ce sera Genève pour le One Man, Toulon, Compiègne, des Sables d'Olonne, Bordes, c'est ça, Toulouse, Lyon, oui. Fayence, Pfaffenhoffen, Morges en Suisse, et puis on va partir du 14 janvier à Paris. Et on a rajouté Aurillac aujourd'hui. Oh, génial, j'avais pas de pull. Je vais m'acheter un pull alors. Couvre-toi. Aurillac en avril ? Oui. Ok, je peux mourir. La minimale à Aurillac. C'est possible, c'est possible. La minimale à Aurillac, moins 16. Wouh ! En avril, vous pouvez pas y aller au mois d'août que j'ai au moins 10 ? Ah. 10. Oh, vous exagérez. On va recevoir des mails encore. Vous tuez, je sais que je suis picard, mais vous voulez me tuer quand même. Là, c'est le moment de faire notre publicité. On appelle un magasin de fringues à Lens. Là où j'ai fait mon école, où j'étais à l'école. Bah, je savais pas. Oh bon, bah, t'es le seul. Est-ce que tu mens mal, toi ? Ah, mais sérieux, je sais. Ah bon, c'est chez toi ? Pas je suis pas un gros mytho. Le magasin Brice à Lens dans l'Aisne ? Bonsoir, oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Mais ça va très bien, quel temps il fait à Lens ? Il fait froid. Ah bah oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas, oui, ça ne change pas. Oui, il fait froid partout en ce moment. Hein. Oui, ça va, il est où le magasin Brice ? Dans la galerie Carrefour. Dans la galerie Carrefour, ouais, tout à fait. À côté du rond-point, ouais. Tu visionnes. Je visionne, ouais. Je visualise, j'y suis déjà allé, okay. tout à fait. Okay. Okay. Peut-être pas au magasin Brice, mais à côté. Bah, faudra venir alors. Eh ben, écoutez, avec plaisir, j'ai un peu moins de raisons qui m'obligent à revenir ces derniers temps, mais. j'y viendrai. Passera. Puisque pour des raisons indépendantes de. Bon, alors donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse notre appel promo. Parce que oui, je vous explique. Entendu, oui. Voilà, vous connaissez le principe. On est arrivé sur Énergie depuis le mois de. Et on se dit que, comme dirait Pierre de Coubertin, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est important de, que chacun fasse la promo pour dire qu'on est là tous les jours sur Énergie. D'accord ? Vous voulez bien le faire ? Vous avez un micro ou pas ? Non, j'ai pas de micro. Attendez, je réponds juste à mon client. Je vous en prie. Il y en a plus, merci. Oh, alors voilà, c'est répondu. Expéditif. Oui, non, ils sont pas tous à moins 30, il y en a que deux. Oui, dites-lui de se calmer. Il va où, lui, tous à moins 30 ? Et celui-ci est périmé. Ah, alors oui, c'est parce qu'on n'a pas dû le mettre, à mon avis. Oui. Je vous écoute. Il voulait tout à moins 30 ? Oui. Enfin, c'est encore les soldes ? Non, non, mais c'est qu'on a quelques articles à moins 30%. Ah, ça veut dire que c'est tout ce qui est resté du Black Friday ? Non, même pas. C'est une sélection moins 30% avec les autres promotions qu'on a en ce moment. D'accord, c'est une sélection de trucs moches ou sympas ? Parce que généralement, non, c'est sympa. Ah, d'accord, ok. Non, c'est bien Brice. Les trucs qu'on resolde à moins 30 hors solde, ça pue. Il faut vider le stock. Quoi. C'est... Attention, je vous donne le texte. On y va ? Ok. Si vous n'avez pas de micro, il faudra crier fort dans le magasin. C'est obligatoire. Oui. Chers clientes, chers clients, voilà, c'est normal. Hein. Mm-hmm. De 17h à 20h sur Énergie. De 17h à 20h. Hum mm-hmm. Non, sur énergie, pas. Si vous me dites de 17h à 20h, les gens ne vont pas comprendre. Sur énergie. Oui. Écoutez Coco. Écoutez Coco. Pour être beau dans tous vos polos. Pas mal. On est bien là. Ah oui, on est bien. On est dans la rivière. Non, j'aurais dit pour faire changer le pot, c'est pas le bon magasin. Non, c'est là. C'est les pas le bon message. Bah, bien sûr, non. Évidemment. Dans tous vos polos, ça marche. On y va ? Vous êtes prêtes ? Pas de stress ? Oui. Non. On y va, pas attention. Pas de stress, ça peut être. Oh, allez hop. Zut. Ah, attention. Ouais. 3, quand vous voulez. Chers clients, chères clientes, de 17h à 20h sur Énergie, écoutez Coco pour être beau de, dans tous vos polos. C'est très bien. Ouais. C'est bien. Ça a un petit peu ciré, mais je valide une bafouillette. Le cœur y est. Je vous fais un gros bisou. C'est quoi votre prénom ? Mégane. À bientôt, Mégane. À bientôt. Je vous embrasse fort et embrassez tous les clients qui viendront dans le magasin Brice à Lens. Embrassez tout le monde à Lens pour moi. Gros bisous. Ok, ça marche. J'embrasse fort. Elle est adorable. Gros bisous. Restez avec nous dans un instant. Ça va manger. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Qui vous fera gagner 5000 euros ? Fais-moi une bande-annonce à la Terminator. Qui vous fera gagner 5000 euros ? Entre Jeff et moi. Entre Bichette. Encore moi. 5000 euros à gagner. Qui mangera le plus gros tacos? I'll be back. Qu'est-ce que tu dis? Habitac. Mec, il est au salon de l'auto. Habitac. N'importe quoi. Habitac. Sur Énergie. J'adore. Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau. parti loin. Ce n'était pas ma faute. On joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame. On a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur. Tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con. N'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Puis sur les monétières, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Il y a bien une chose que j'aime, plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tunnel, oui j'ai coé. L'écouter tous les soirs, j'ai les oreilles qui frisent. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Coé, 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Oui, on est là. J'espère que ça va. Dans un instant, nous aurons vous tous au téléphone. Dites-nous le pire Noël que vous ayez eu. Ouais, on a forcément des fois eu un pire Noël. Ah, me faites pas du larmoyant. Hein. Ah bah non. Hein? Bah si c'est un pire Noël. Le sapin. Ah ouais, non mais feu. Ça peut. Oui, non mais je sais. Non, je sais pas. Oui, oui ou alors. Hein? Hein? Non. Genre ouais. Quoi? Genre mon mec, il est parti à Noël, je me suis retrouvée toute seule. Ça va, ça passe. Oui, là ça sent le vécu, là ça sent le vécu. Donc ça va, tu veux qu'on en parle? Et ça a été ton Noël finalement? Bah finalement ouais. Toute seule avec ma petite bûche devant la personne télé. Personne n'a vécu un Noël un peu. C'est moi petit, parce que mon frère avait eu un cadeau plus gros que le mien et ça m'avait vénère. Ah ouais? Ah mais vraiment? Parce que je voulais un truc Manta Force et lui il avait eu la Manta Force. Moi j'avais eu deux camions de pompiers Playmobil parce que ma mère et ma tante s'étaient pas bien compris. Ah ouais. Et j'avais eu les mêmes et ils faisaient la gueule et ils s'engueulaient. Je leur ai dit non, c'est génial, je monte une caserne. Bah oui. Et en fait j'étais comme un fou parce que j'avais deux camions de pompiers Playmobil. Ah, je monte une caserne. C'est vrai, j'étais comme un fou, oui. Moi je voulais la voir. Attention, drôle. Je voulais avoir la cartouche Game Boy Color Harry Potter. Et en fait, c'est mon cousin qui l'a eu, alors que lui, il s'en foutait. Mais vu que c'était un cadeau, il voulait le garder pour lui. On avait dit intéressant. Ouais, intéressant, ouais. Qu'intéresse tout le monde. Dans un instant, la question du Père Noël. Diana de Troyes, quel est le pire Noël que tu as eu? Ça va, ma petite Diana? Salut, Coé. Eh ben moi, c'était il y a 2 ans, en fait. Où, quand on a ouvert les cadeaux, j'étais hyper blasée parce que mes deux sœurs ont eu des cartes cadeaux pour des grandes enseignes de fringues super. Ouais. Et moi, eh ben, j'avais un lot de serviettes. Non. Ah non, mais j'étais blasée, surtout que j'avais vu que c'était des serviettes qu'on avait grâce aux vignettes chez Leclerc. Et franchement, je l'ai eu mauvaise, quoi. Ma pauvre chérie, elle a eu son pire. Elle est pas... Et ça, elle s'en est bien remise? Non, bah non, j'ai fait la gueule. Toujours pas. Non, non. Jusqu'à maintenant. Je te fais un gros bisou, Diana. Joyeux Noël. Merci. Avec un peu d'avance. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Joyeux Noël, c'est l'heure de la question du Père Noël. Chaque soir, le Père Noël répondra à une question d'enfant. Il arrive. Oh, le dérapage. Alors, attention, j'écoute la question.

cherches le Père Noël le plus chaud de ta région, envoie gros paquet au 6-12-12. Bon, excusez-moi, je me suis trompé de jingle. 17h20. Ça va pas. C'est Coé sur Énergie. Ça va pas. Lundi, on viendra, il viendra nous voir, ce monsieur qui a buzzé avec sa chanson Gilet jaune. On lui a demandé de chanter deux, trois petites paroles. Oui, voilà, ajuster un peu. Oui, parce qu'au début, c'est extrêmement revendicatif. Donc, on a dit quand même, on n'est pas non plus sur une manif. Oui, c'est ça. On vient d'arriver sur Énergie. Faisons découvrir l'artiste, mais un entre-deux. Quoi. voilà. Donc, juste pour vous dire aussi que dans un instant, on aura un balance ton pote. Vous connaissez le principe du balance ton pote. Vous savez que quelqu'un fait quelque chose de mal. Vous nous le dites et nous on s'en occupe. Tout à l'heure on aura quelqu'un qui pique des décos de Noël dans les sapins, dans les ronds-points. J'adore ça. Oh, c'est moche ça. J'adore ce truc. C'est très bien. Les décos de... Mais j'y ai pensé en plus la dernière mais fois. Mais non, t'as pas fait ça. Non, mais je l'ai pas fait. Wow. Mais je voyais des sapins dans les rues avec des trucs. Je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui empêche des gens de prendre, qui n'ont pas de déco chez eux de venir piquer des trucs? Bah, ça fait vraiment crevard là. Ouais, clairement, ouais. Oui. Bah ouais, mais. Bon. Tu vas au milieu de ton rond-point, tu chopes les boules. Eh, mais ça coûte cher des boules. Moi j'ai fait mon sapin. Je suis allé la dernière fois, je vais pas faire de mauvaise pub, mais à Maison du Monde, un bras, 3 euros la boule. Ah ouais, 3 euros la boule. C'est très cher. C'est cher la boule. Ouais, après, c'est à Maison du Monde. Ah ouais. Oui, enfin, c'est pas non plus. T'es pas non plus. C'est un truc. J'adore Maison du Monde. Les fleurs, on les vole au cimetière. Vas-y, c'est gratuit. Non, rien à faire. Tiens, ça, c'est mes impôts. Hop, une boule. Dans un instant, nous appellerons également une pharmacie dans le nord de la France, puisqu'une épidémie, on l'a dit hier, mais on n'a pas eu le temps de le faire, une épidémie de varicelle est actuellement dans les Hauts-de-France. Alors, c'est pas très drôle, le varicelle. Moi, je l'ai pas eu, donc on va vous dire que je suis en panique totale. Je ne parlerai à personne. Quand est-ce qu'on a One Man à Lille? La semaine prochaine. Je ne parlerai à personne. Je vous l'ai dit. Je me mettrai comme ça. Là, je vais construire un mur en parpaing. Je serai derrière sur scène. Voilà, mais c'est tout. C'est complet, Lille. Hein. Merci beaucoup, les gens du Nord. C'est plus vite que les gens de Rouen. Hein. Je dis, si on écoute à Rouen, là, ils sont plus. Mais ils vont venir. Ils vont venir. Et je sais, c'est ce week-end là, à Rouen. Beaucoup. Maintenant, le pire Noël de Gaël. Et ensuite, on attaque le défi. Oui. Qui va pouvoir manger le gigatacos de 2,5 kg entre Bichette et Jeff? Gaël, avant tout ça, raconte-moi ton pire Noël. Ça va, Gaël? Salut Coco, salut tout le monde. Salut ma chérie. Salut. Tu vas bien, raconte-moi ce qui s'est passé. Bah, en fait, c'était il y a 2 ans. Dans ma belle famille, j'ai voulu faire plantation et j'ai ramené une très belle bûche que j'avais achetée chez un artisan chocolatier entre 70 et 80 euros. Donc une belle bûche, quoi. Et ma belle-mère, quand je suis arrivée, l'a mise au frigo au lieu de la mettre au congèle. Du coup, pour le dessert, ben, ça nous faisait de la soupe, quoi. Ça a fondu. Oh non. Elle avait pas fait gaffe. Elle a dû mettre ça dans un bol. Et ça faisait genre une glace de McDo. Dans un peu dans ce. Dans un bol. Bah oui, ça faisait de la soupe, on ne pouvait pas y mettre dans l'assiette. Vas-y après avec la soupe de refaire une forme de bûche avec un petit nain dessus. Ça marche plus. Ah oui, puis c'est un nain avec une scie, il n'a pas une bouée. Résultat, c'est pas synchro. Ça fera la fève. Ça va pas, c'est pas raccord. Je te fais un bisou, Gaël, je t'embrasse fort. Je vous embrasse fort, des bisous, ma belle. Moi, j'ai fait ça il y a 2 ans. J'avais acheté une magnifique bûche glacée pour mes enfants le soir de Noël, enfin le 25. Et à la fin du repas, ils m'ont dit oh non, on n'a plus faim. Bah, je dis non, mais c'est la tradition, non, on n'a plus faim. Je l'ai remise au congélo. Je l'ai ressorti un an après. Oh. Bûche de la bûche. Non. Et là, ils l'ont mangé. Elle est très très bonne cette année. Bah, oui, c'est le gars, non, oui, mange. Rien ne se perd. Mais c'était plus bon. Mais si, ça se garde un an et demi. Si, ça se garde. Autant, si, j'avais vérifié avant. Attends, 6 mois après, on y était. Ouais. Si, c'est bon. Vous inquiétez pas, tout va bien. N'appelez pas les services sociaux, ils vont très bien. T'es un gros mytho. Il a empoisonné ses gosses, il vient de s'en rendre compte. Moi, je m'en fous, j'en mange pas, j'aime pas ça. Enfoiré. C'est horrible. Allez, c'est cadeau, c'est pour toi. Papa, oh non, merci papa, fais attention. Oh, merci. Voilà. Il en aura plus pour vous. Les toilettes, c'est là-bas. Ce soir. Attention, on y va. Voici, ladies and gentlemen, le Gigataco. 2,5 kg de tacos. Où est la demoiselle qui était, j'avais repéré tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Viens. Ou prends le micro, voilà. Alors, pendant qu'on vient de les installer, Bordas n'est plus là puisqu'il est en train de ramer avec son Facebook Live. Ça marche? On est en Facebook Live. Ah, très bien. Alors venez à côté de moi. Quel est votre prénom? Florence. Ça va, Florence? Très bien. Florence, il y aura 5000 euros dans un instant à gagner pour un auditeur. Attention. Oui, monsieur, vous êtes devant la caméra. Il y aura d'autres. Ouais, oui, les gens ont eu un gros plan sur votre crâne. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est, une nouvelle planète? En plus, quand il a mis 2001, l'Odyssée de l'espace, sur une petite pucée, au moment où il met 2001, l'Odyssée de l'espace, il voit un énorme crâne qui passe. Ils se sont dit, c'est la Lune, ils ont découvert un truc. Donc, il y a 5000 euros à gagner. Pour gagner les 5000 euros, il faut miser et parier sur Jeff ou Bichette. Alors, pour ceux qui ne nous ont jamais vus, c'est le moment peut-être de les filmer. Maxence. Ah oui, oui. C'est le moment peut-être de les filmer. Maxence. Voilà, Bichette, Bichette, mesurant 1m combien ? 1m85. Pesant ? 22 kilos. Non, combien tu pèses ? Non, je fais 70 kilos, à peu près. Voilà, Jeff. 1m87. Pour 5 kilos. Combien ? Un petit peu plus de 100. Voilà, là, je suis à 120 là. T'es sérieux, mec ? Oh, je t'emmerde, c'est bon, on n'est pas obligé de. Arrête de me juger. Enfin, tiens, 120 Jeff, kilos d'amour. Tes pommes. Merci beaucoup. Voilà, donc ce que je disais, c'est que le défi est simple. Qui va réussir à en manger le plus ? Parce que tout, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Non. Oui, le maximum. Tout, je ne suis pas sûr. Si vous le faites, vous êtes champion. Mais... Alors, il y a à gagner pour ceux qui vont parier, il y a une personne qui va gagner 5000 euros cash. Ça se passe sur mon Twitter. Ah, c'est vous pas allez... nous. Vous allez sur non. Bah non. Vous allez sur Twitter, vous allez Coé officiel sur Twitter, vous me follow si vous ne le faisiez pas. Et là, vous avez un petit message, vous le RT, ce message, vous le retweetez et vous dites, d'après moi, c'est Jeff qui va gagner, d'après moi, c'est Bichette. Et on prendra dans les gagnants qui ont bien misé et vous allez gagner, il y en a une qui gagnera 5000 euros. Comment tu t'appelles, belle enfant ? Florence. Toujours. Florence. Toujours, oui. Elle a déjà dit Florence ? Elle a déjà dit. Oui. Faut répéter au monsieur, il fait pas, des fois, il ne fait pas attention. Alors, Florence, qui bosse, tu bosses sur Otakos ? Attends, on met le micro dans le... Oui, voilà. Je travaille pour Otakos. Il y a quoi dans ce qu'ils vont manger exactement ? Ouvre-le, ouvre-le. Je suis pas sûr de vouloir... Ah là là, incroyable. Il y a quoi dedans ? Il est composé incroyable. De quoi ? Moi, je crois qu'elle m'a dit, c'est tout le reste, c'est ça ? C'est toutes les viandes de la carte. Toutes les viandes de la carte. C'est-à-dire. Je crois même qu'il y a la carte pliée dedans. Il y a la carte, il y a le restaurant, il y a tout dedans. Il y a un serveur. Il y a une main qui dépasse, il y a le serveur qui est sauvez-moi. Dedans. Sauvez-moi. Est-ce que combien il y a de gens de l'histoire du restaurant qui ont réussi à le finir ? 14. Okay. 14 est-ce seulement. Est-ce que vous avez les corps, enfin les noms ? Les corps. Non, il souhaite rester anonyme. J'ai gagné ! Leur dernier mot sur la pierre tombale, leur dernier mot écrit, fini. Merci beaucoup, merci. Mais c'est énorme, hein. On peut dire que c'est la taille d'un un petit oreiller. C'est incroyable. Non, on va pas s'emmerder, c'est un plateau, c'est le plateau. Mais tu as raison, c'est un oreiller un de. Oreiller. Hein. Mets ta main, Jeff, pour que les gens. Il y a même des bébés qui ont posé sur les trucs comme ça. Vous savez, les photos qu'ont les parents avec le bébé avec le cul à l'air comme ça. Les... C'est là-dessus. C'est là-dessus, c'est sur un tacos. Tu pourrais. C'est énorme. Ah, les gars, on est en Facebook Live. Ouais. Vous allez. Alors. Jusque quelle heure ? On vous laisse 30 minutes. D'accord. Ouais, donc jusqu'à 20h, quoi. Non, non, bah non. 3. Toi et les chiffres, t'as toujours du mal, hein. Ouais, minuit, j'ai quoi. Testé, mais bon. Ouais, vers 23h. Vers 23h, voilà. Quoi. Ok. Ok. D'accord. Vous y allez ? Ah, vous avez deux fourchettes, comment ? Ouais, fourchettes. C'est épais quand même, hein. C'est vachement épais. C'est pour ça que ça va être dur de le faire à la main, donc. Allez, on y va. Dites-vous qu'il y a 14 personnes qui l'ont fini. Super. Dites-vous que, vous dites-vous qu'il y aura peut-être une 15e ce soir. Dans le public et les gens qui sont dans ce studio, c'est marrant, il y a quand même plus de monde pour voir manger un tacos que pour Ayana Kamura. Les gens, c'est comme des fous. Les gens, c'est comme des fous. Et là, y a des, et là je pense qu'il y a des gens, personne dira, il est désagréable le tacos. Il est sur son téléphone. Non, le tacos, il est resté sur son portable toute la soirée. Allez, alors donc, qu'est-ce que. Moi, je voulais dire un truc intelligent, mais je sais plus quoi. Tout est dans le public. Oui, voilà. Qui pense dans ce studio que Jeff va gagner ? Levez la main. Ah, c'est peu. 50-50, quoi. Qui pense que c'est Bichette qui va gagner ? Oh là là ! Il y en a plus pour Bichette. Mais ça, c'est ton côté petite nature. Non, non, il y a ça. Beaucoup plus, Bordas. Non, beaucoup plus. Bordas, il faut des lunettes ou quoi ? Ils sont quatre à lever la main. Ils sont quatre à lever la main pour Jeff. Tout le monde lève la main pour Bichette. Et le mec, il dit. Oui, 50-50. Franck Dubosc. Faut pas que tu comptes les manifestants pour la préfecture, toi. Mec, ils sont 6000 combien ? 3. Assez, pas plus que ça. Ah non, vous attaquez déjà. Non, non, vous attaquez pendant. Non, on mettra le titre après. Et comment ça, Jeff ? Dans un instant, on appelle les gens. Dans un instant, on aura le balance ton pote, mais je veux que vous goûtiez. Jeff a commencé, ça y est. Premier micro. Allez, on y va. Il y a quoi dedans ? Franchement. Ils sont pas au même, je crois. Attends, il attaque la pâte, là. Une viande, une sauce qui pique, c'est bon. Vous avez le même, les deux ? Ce qui est marrant, c'est que vous avez pris une énorme bouchée, vous avez à peine entamé le truc. Tu sais, comme quand tu vas chez ta grand-mère et qu'elle te sert un énorme truc de bouffe, ça fait 20 minutes que tu manges, t'as l'impression qu'il se recharge le truc. Mais... Le niveau ne baisse pas. Oui, je mange, mais ça ne baisse pas. Ça y est, Jeff, il est parti. Hein. Non, ah, mais hey, concentré. Mais fais le droit pour qu'on puisse mesurer. Allez, enchaîne, mon ami, on reste en Facebook Live. Nico, on a le micro pour parler à tout le monde. Oui, absolument. Le... Ouais. Même pendant le Facebook Live, on vous parle. Restez avec nous, on est sur Énergie. Aucune autre radio qui fait ce genre de trucs, ça se passe chez nous. Mmh. for you, everything for you. You give me butterflies, you feel like paradise. Oh, and we should sneak away. I want you to be more normal. Coupez-lui les bouchées parce que pendant ce temps-là, Bichette il fait les deux. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il réalise et en même temps il mange. Mange. Oh bah, il veut jouer, on joue. J'y retourne. Je sais qu'il y a, vous êtes, ils sont nombreux à nous regarder sur Facebook Live. Ah oui, beaucoup. Je vais vous dire un truc, Et ça, beaucoup. Ça remet beaucoup de choses en question. Quand tu te dis qu'il y a plus de gens qui regardent un tacos qu'à Yana Kamura. Parce que tacos c'est plus facile à dire. Ça me change. Il est con. Non mais parce que, excusez-moi, mais il y a un monde fou qui regarde. Ouais. On est à combien à peu près? On est à 2100 à la seconde. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est bien. Je vous embrasse. Je vous fais un bisou, gros bisou. Alors. Je vous fais un gros bisou, mais il est très sympa, c'est à cause. Oui. J'amène un téléphone portable, il est pas dessus. Bon, on va faire le balance ton pote pendant que vous mangez, ouais. D'accord ouais. Le balance ton pote, on a Marie, comme ça si vous suivez en Facebook Live, vous allez voir ça avec nous en même temps. Marie qui est en ligne, ça va Marie? Salut Coé, salut ma chérie. L'équipe. Marie, tu vas à nous. Il y en a qui parlent pas parce qu'ils mangent. Hein. Ouais, désolé. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Je suis là, mais je fais les deux. Arrête de parler, mange. On te filme là en même temps. Par contre, éteignez vos micros en mangeant parce que. Bah pourquoi? Et Jeff, il mange consciencieusement. On peut faire deux trucs en même temps. Il est classe. Tu sais comment je vois qu'il a faim, Jeff? Comment? Parce que non seulement il mange son tacos, et mais oui. Mec, il va te rechercher ce qu'il y a sur le bord. Il te l'aligne, il te prend la sauce. Il ne laisse rien. C'est son côté perfectionniste. Jeff, est-ce que tu vas dîner après? Ouais, ma femme a préparé un truc. Ouais. Ma femme, déjà, t'es passé à ma femme. Bah oui, ma chérie. Ah ouais. Bah déjà, tu vas pas manger ce soir. Ma femme, t'as vu le gars? Ah, il y a de la gaze. C'était ma chérie, maintenant c'est ma femme. Il va tellement vite. Ah, il va trop vite. Tellement vite. Tu vas trop vite. Bon, bah Marie, on va appeler Axel. Café Axel. Alors, Axel, il s'est vanté la semaine dernière d'avoir fait son sapin de Noël et d'avoir pris ses décorations dans la ville où il habite. Et voilà, le type, il a piqué les décos dans le sapin. Alors, qu'on soit bien précis, c'est le sapin de la ville. Ouais. C'est sur un rond-point, c'est où? Non, c'est place du marché. Place, exactement. Mais il l'a fait parce qu'il n'a pas de sous pour s'acheter les décos ou par défi? Je pense que c'est par défi, il a trouvé ça drôle. C'est ça. Très bien. Ouais. Je suis donc de la police municipale, on est d'accord? Absolument. Oui. Je passe un coup de fil, il s'appelle Axel, ton ami? Oui. On y va, c'est parti. Baissez-moi toutes les musiques. Ça va mal se mettre. Tu t'appelles comment? Thierry Lavignès. Chut, Michel Sapin. Chut. Allô. Oui, allô. Bonsoir, oui. Monsieur Lavignas, c'est l'appareil. Oui, bonsoir. Police municipale de Moret-sur-Loing, vous allez bien? Ouais, ça va, oui. Monsieur, je me permets de vous appeler à tout hasard. Nous avons constaté des vols de décoration de Noël, monsieur. D'accord. Sur les sapins de la place du marché. Donc, comme vous n'habitez pas loin, je voulais savoir si vous n'aviez pas été témoin de quelque chose. Non, du tout, non. Non. Du tout, non. Non, non, bah non. Et vous n'avez jamais donc vu aucun passage de gens qui prenaient des choses ou... Écoutez, non. Hein. Ah non, bah non. Monsieur, le fait que certaines des susdites décorations se retrouvent sur votre sapin, c'est le fruit du hasard? Sur mon sapin? Bah non, il y a mes décos sur le sapin. Il y a... Ça, c'est mes décos. Monsieur, quoi. Monsieur, on le sait, monsieur. Si on est au courant, on le sait, monsieur. Comment ça? Monsieur, on le sait. Ça fait mes décos, donc enfin, vous pouvez passer voir. Hein, monsieur, je vous rappelle qu'il y a des caméras de surveillance, monsieur. Place du marché, il y a des caméras de surveillance. On vous voit à visage découvert en train de dérober des boules et des guirlandes. D'accord. Donc, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Si je dis que c'est pas moi, du coup, c'est pas trop crédible s'il y a des vidéos. Je confirme. Donc, on va en venir au fait, monsieur, oui. Si je les ramenais, je sais pas, dites-moi. Alors d'abord, on a envie de comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas trop de... Défis personnels, manque de moyens? Non. Provocation envers la ville? Non, c'est quoi? C'est le commissariat de Moret. Une haine contre Noël? Quel est votre problème, non, monsieur? Non, justement, pas de haine, puisque c'était belle, quoi, donc je l'ai mis sur le mien. Alors, monsieur, on va en venir au fait. Vol avec préméditation de biens publics sur la voie publique. C'est direct au tribunal, vous le savez? Ouais, mais non. Enfin, je vais les remettre, au pire. Non, monsieur, c'est trop tard. On vous a en vidéo, non. Monsieur. Oui, mais ouais, alors, d'accord. Bon, par contre, je suis embêté parce que... Vous avez une seconde, monsieur? Oui. Je suis en train de prendre le clavier et l'ordinateur. Par contre, je suis assez embêté parce que dans le rapport de police, vous savez, c'est pré-rempli. Je n'ai pas la case vol de boules et de guirlandes. Donc, si vous êtes d'accord, je vais mettre vol de voiture de fonctionnaire. C'est ce qui se rapproche le plus. Non, aucun rapport. Monsieur, j'ai pas. Vous savez, nous, c'est pré-rempli. Ouais. C'est hiérarchisé. Ça passe par le siège. Ouais. Ça passe en préfecture. Donc, nous, on a maintenant un modèle qui est fait par le ministère de l'Intérieur. Et donc, non, je n'ai pas vol de guirlande ni de boule. Je vais les remettre dans la soirée, au pire. Oui, monsieur, c'est trop tard. Voler, c'est voler. Remettre, c'est voler. Donc. Ouais. Ok. Donc, vol de voiture. Mettez les décos de Noël, quoi. J'ai pas, monsieur, les décos de Noël. Et vous êtes en train de taper au clavier? Non, je prends la case. Vous voyez, je descends. La case. Là, je descends. Je vais à droite. Vol de véhicule de fonction. Donc, il manque une case, ouais. Okay. Voilà, donc, monsieur, l'humour, ce sera pour plus tard, monsieur. Mais il me semble que vous n'êtes pas, monsieur. Nous avons les images, monsieur, donc je vous demanderai de descendre d'un ton. Ouais, excusez-moi. Alors, donc, est-ce que vous avez toujours les guirlandes, monsieur? Ouais, elles sont pour moi, ouais. Oui, il les a. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez toujours les boules, monsieur? Ah oui, là, ouais, j'ai les boules, ouais, je vous avoue. Et donc, je résume, t'as les boules. Oh putain. Je vais les remettre et puis on n'en parle plus, quoi. Comment? Je vais les mettre et puis je les remets à leur place et puis on n'en parle plus. Bon, monsieur, je ferme les yeux sur tout ça si vous me ramenez les boules et les guirlandes. Ouais, je vais les remettre là, dans la soirée, quoi. Par contre, en contrepartie, monsieur, je vous demanderai pour la mairie de faire le Père Noël sur la place du marché entre 16h et 20h. Ouais, super. On a un désistement, donc voilà, jusqu'au 25 inclus. Entre 16h et 19h? 20h. 20h, ouais, ok. Ouais, ok, bah ouais, si ça peut... Je dis que vous acceptez, monsieur? Ouais, bien sûr, ouais, y a pas de problème. Hein. Susdit coupable du vol de véhicules afférent et inhérent à la susdite opération de vol accepte d'alléger sa peine en acceptant d'être le père. Noël. Il y a deux L à Noël. Deux L à Noël. Noël. Noël. Noël. Si c'est la mère Noël, peut-être, mais non, le père Noël. Monsieur, monsieur, merci. Jusqu'au 25 décembre. Inclus. Voilà, monsieur. Minuit. C'est réglé, monsieur. Ouais. Vous pouvez aller place du marché en caleçon. Mes collègues attendent avec le costume. Là, maintenant? Maintenant, monsieur. Ok. Ouais, et je ramène quoi? Je ramène les décos en même temps, là. Oui, s'il vous plaît, merci, monsieur. Ramenez vos boules. Les guirlandes, les boules, ouais. Mais c'est la chanson, monsieur. Ramène les boules à la maison. Vous connaissez ça? Non. Ramène les boules à la maison. Allez les bleus, allez. Vous connaissez cette chanson ou pas? Gros carton. Je sais que cette merde. Gros carton. Axel, je te présente Marie. Moi, je m'appelle Coé. On est sur Énergie. Voilà. Ah, ramène les boules à la maison. Allez les bleus, allez. Marie, fais un bisou à Axel. Désolé, j'étais obligée. Quel? Ah ouais, j'avais les jambes qui tremblaient. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Quel? Ouais, quel? Non, mais ouais. Parce qu'attention, j'ai encore l'écran, je peux verbaliser à tout moment. Hein. Non, mais reste de doigts. Je les ai vraiment aussi, la police de Montréal. Oui, bah c'est bon, on en dit pas trop, ça va. Non, on a compris que tu les avais vraiment. Donc, il y a un truc qui a gagné, sauf. Un casque Bose. C'est parti, gros bisous. Okay. Et voilà, un voleur récompensé. Allez, on est bien, non? Ah, la morale. Eh, vous vilez les autres, là, il reste 10 minutes. Bichette, on dirait qu'il a pas commencé. Bichette, sérieux. Moi. Allez, envoie la pub pendant ce temps-là. A tout de suite, on est de retour. Les images, Facebook Live. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Énergie.

va gagner. Je laisse 2 minutes. Ah, ça va, de toute façon, je te laisserai 5 heures dessus, tu valerais rien, toi. Bon, enfin, il est là, un moineau, tu manges comme un moineau. Alors, Bichette, j'ai tout misé sur toi. Le public a tout misé sur toi. Même les gens, qui sont arrivés pro de Jeff au bout de 2 minutes, ils disent: ah, mais Bichette, c'est quand même bien. Même moi, j'ai misé sur toi. J'aime pas, oui, je sais. Qu'est-ce que vous faites, les gars, là? Qu'est-ce que vous faites? Le Facebook Live, il a planté, refilmez pas, c'est fini. Mais non, les gens, ils ont eu le début. Ah, il n'y a pas un suspense incroyable non plus. Il n'y a pas un T-Rex qui va sortir de la table. Voilà, c'est bon. De toute façon, c'est fait. On a eu le début. Je crois que la fin, on va se laisser encore une minute. Et alors, je crois que le champion du monde. Je sais pas si tu as remarqué, Jeff, il est rouge fluo. Oui. Et Bichette, il est blanc. Blanc chez blanc. Ah, on a Bigou. Bigou. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau des couleurs? Pourquoi t'es blanc, toi? Ah, en fait. Je vais t'expliquer. Il aime pas le fromage. Alors, ouais, c'est ça. Mais en fait, tu pouvais pas le dire avant que t'aimais pas le fromage? Je savais pas qu'il y avait une sauce fromagère dedans. Ouais, t'avais qu'à dire j'aime pas le fromage. T'avais qu'à dire checker avant qu'il y ait pas de fromage. Bah, on a en fait. Hier, on a essayé de donner je l'avais dit, sans fromage, mais ils peuvent pas changer la recette. Oh, tu nous saoules, toi aussi, à pas aimer le fromage. Je suis pour rien. Bah, c'est quoi cette petite nature? J'aime tout, monsieur. Il aime tout. T'aimes tout. Vas-y, donne un exemple. Je sais pas. Le salsifis? Non, j'aime pas. Et sinon, j'aime tout. Vas-y, donne un autre exemple. J'en sais rien. C'est Bruxelles. J'aime pas non plus. Bon, voilà, mais sinon, j'aime tout. Les épinards? Non, j'aime pas du tout. C'est vrai, t'aimes pas? Je les aime crus. En fait, moi, j'ai un problème, c'est qu'il y a des légumes comme ça, je les aime crus en salade, mais dès que c'est cuit. Okay. Comme les endives, dès que c'est cuit. Bah voilà, c'est rien. Eh oh, mange. Le public, c'est bon, vous mangez, vous êtes bien. Voilà. Ah bah, le public, ils pourront pas se lever. Je pense qu'il va falloir les sortir du fauteuil. Alors, Jeff, je crois, mon ami, que c'est toi qui vas faire gagner 5000 euros à des gens qui ont parié pour toi. Là, j'ai un peu plus de la moitié de vous. Tu sais que tu viens de manger 1,250 kg de tacos quand même. Mais t'as vu, c'est bien moi. Non, mais non, j'ai pas vu. Mec, mais les gens ne se rendent pas compte. Le mec est un psychopathe de la taille. Il a mangé la moitié, là. Et attends. Le gars, on dirait qu'il fait une route. Regarde comme il l'a. Au niveau. Non, la propreté aussi du plateau. Quoi. Ça, ici, tu peux le resservir. Les gens de chez Otakos, ne jetez pas l'emballage. Remettez-le à quelqu'un d'autre. Il peut servir. C'est propre. Mais Jeff, tu as fait un truc de champion, là. Mais c'est pas mauvais, hein. Visiblement, on a vu, hein, t'avais pas besoin de le dire. Non, c'est très très bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je crois qu'on n'aura pas beaucoup plus. On va perdre Bichette en plus. Bichette. Bah, moi, c'est un champ de bataille. Hein. Bichette, ce qui est génial, c'est que tu sais quoi? J'ai l'impression de voir mon fils quand il avait 5 ans et qu'il bouffait. C'est-à-dire, il déplace la bouffe de l'assiette et il me la met de l'autre côté. C'est pas vrai. Si, ça fait ça. Non, j'en ai mangé quand même. Tu l'as pris, tu l'as retourné, genre, voilà, c'est fait. Non, j'en ai mangé quand même. On arrête là et je crois que tout le monde peut applaudir notre grand gagnant, notre champion du monde. C'est mon Jeff. Voilà. C'est qu'en rentrant chez lui, il va remanger. Oui, parce que sa femme lui a préparé à manger. Sa femme. Elle écoute l'émission? Peut-être là, oui. Alors c'est... si elle écoute, je te dis tout de suite, Bumbo, te fais pas chier à cuire les aliments, salade. Salade. Bon. Voilà, une soupe, ça lui ira très bien. Le couscous, tu le feras pour demain. Hein, ça c'est une blague. Quoi, c'est une blague? Il va pas vraiment manger en rentrant? Si, je crois qu'il y avait autre chose de reprévu. Mais ça te regarde, toi? Bah non, mais merci beaucoup. Donc comment on fait maintenant pour offrir 5000 euros? On le fait tout de suite ou tout à l'heure? Tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons prendre quelqu'un qui a parié sur Twitter et seulement sur Twitter. Qui a parié sur Jeff. Sur Jeff. Et qui va gagner la somme de 5000 euros. J'adore cette idée. J'adore ce truc. Restez avec nous dans un instant. 5000 euros. Qui va les gagner dans un instant? On aura le temps pour une pharmacie ou c'est tout de suite? On n'allume pas ton micro, hein, ça ne marchera pas. Hein. C'est. Voilà, on peut le faire, on peut tester. Mais après, je peux en trouver d'autres si tu veux. Après. Dans un instant, nous appellerons des pharmacies parce que la varicelle arrive dans le nord de la France. La varicelle est là et que la varicelle, ça. Ça gratte. On s'en occupera dans quelques secondes, je sais pas. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. À 20h, Loïc Cochot, on est dans la dernière demi-heure d'émission. Je l'ai pas vu passer cette dernière demi-heure. C'est passé tellement vite, c'est incroyable. Rita Ora, semaine prochaine. Vendredi, avec Rita Ora. Jennifer va venir nous voir vendredi. J'aime bien. Ça va, Jeff? Tu te remets bien? T'es bien? Oui, c'est bien. J'ai un dessert après. T'es sérieux? Yes. Oui, c'est vrai en plus. Il y a une demoiselle qui est une auditrice qui vient nous voir de temps en temps d'Australie. Oui, voilà, je à chaque fois. Elle nous a ramené plein de choses. Elle nous a ramené plein de choses d'Australie. Rappelle-moi ton prénom. Maïli. Ça va, Maïli? Oui, ça va très très bien. T'es toujours en Australie? Oui, bah, ça fait 15 ans, donc je pense que j'y reste. Hein. Quel endroit en Australie? Melbourne. D'accord, tout se passe bien là-bas, c'est sympa? Ah, c'est génial. Un chéri, rappelle-moi un peu la vie là-bas. Non, pas de chéri. Mais je suis sage-femme, j'adore ça. D'accord. Et puis tout va bien. Et puis voilà, hein, c'est Melbourne, c'est tranquille. On voit les kangourous quand on sort un peu de Melbourne ou pas? Oui, oui. Et il faut faire attention, c'est surtout les wallabies sur la route parce qu'on les écrase et ça tue la voiture. Oui, on m'a dit qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est quand tu écrases un wallaby, il se jette sur le truc et c'est comme un cerf. C'est comme chez nous, un chevreuil, quoi. Ça peut exploser ta bagnole, sauf qu'en plein désert, t'as pas l'air con. Voilà. Et la vie se passe bien alors? Ah, ça se passe super bien, la vie est géniale. Ils sont gentils, les Australiens? Très gentils, ils sont adorables. Il paraît que c'est terrible là-bas. C'est vrai? Et puis, ils boivent beaucoup, ils savent faire la fête, par contre. D'accord, ok. Ils ont des shampoings chelous, mais ils sont sympas. Ils ont des shampoings, tes cheveux deviennent bleus. Mais sinon... très sympathique. Sinon, ça va, on a qui d'autre dans le public, là, qui vient de loin? On a Loudou, tu viens, lève la main, deuxième rang. Il a levé la main au deuxième rang. Pourquoi? D'où tu viens? Je viens de Tourcoing. Ah, c'est loin, ça, t'as raison, ça, c'est loin, les gars, c'est loin, c'est loin. C'est même fuseau horaire, mais par rapport à l'Australie, c'est moins loin, excuse-moi, on est passé de. Pas pareil. On est descendu d'un cran, mais bienvenue, mon ami de Tourcoing, bienvenue. D'où vous venez, les gars? Nouvelle-Calédonie. Genre! Ah ouais! Et ils ont un train, ils se dépêchent, ils ont un train dans une demi-heure, donc 8 jours de train quand même. Nouvelle-Calédonie, vous êtes là combien de temps? On est là pendant une semaine. Wow. Après, les cheveux de surfeur et tout, là. C'est vrai qu'il est bronzé. Nouméa, c'est ça? Ah, c'est super. C'est magnifique. C'est joli, c'est comment? Ouais, c'est top. La mer, elle est bien là-bas. Ouais, on fait beaucoup de kite, de surf et tout. Ah oui, mais ils ont des têtes de surfeurs, les gars. Ils ont des coupes de surfeurs. Ouais, c'est incroyable. Non, c'est bien. Vous kiffez la vie? Ouais, c'est top. Les filles sont jolies, c'est comment? Ah, pas mal, ouais. L'autre, on ne l'a pas entendu à côté, il a juste fait. Il est confirmé. Ouais, ouais, il confirme. À côté, on va où là? On a du Strasbourg, c'est ça? Ça va, les filles? Oui. Ça va, vous êtes venues là pour Paris combien de temps? Vous êtes là combien de temps? On repart ce soir. D'accord, une pensée pour Strasbourg. D'accord, c'est une très jolie ville, vous savez que j'aime beaucoup. Avec ce qui s'est passé il y a deux jours. Voilà, ils ouvrent le marché de Noël demain, je crois, à nouveau, non? Oui, normalement, oui. Je sais pas, peut-être. Demain, normalement. Mais en théorie, c'est demain. Il faut que ça réouvre le marché de Noël. Il ne faut pas rester bloqué. Et il ne faut pas, qu'on arrête de vivre parce qu'un abruti a fait n'importe quoi et a fait un drame. Il faut continuer de vivre, c'est important. Et j'adore Strasbourg. Donc, gros bisous à tous les gens qui habitent Strasbourg et tous les commerçants du marché de Noël, les pauvres aussi, hein, qui, voilà, où tout est fermé et qui ont besoin d'attendre et qui maintenant vont croiser les doigts pour que les gens n'aient pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'y aller, ça va être sécurisé, etc. Voilà. On n'irait pas faire un tour? Moi, j'aimerais bien. Si on pouvait la semaine prochaine, je montrerais bien l'exemple en disant qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut y aller. Moi, j'aimerais bien aller faire un tour à Strasbourg, voire même faire une émission en direct de Strasbourg la semaine prochaine. Je ne sais pas si on peut la monter en si peu de temps. Mais j'aimerais bien. Ah, j'arrive, je fais un vin chaud, un churros et je repars. Ouais. On a la tête de notre technicien qui n'est pas. Ce serait chaud. Non, quoi? Ça peut être compliqué de pourquoi le faire. Alors, vas-y, dis-moi pourquoi. Vas-y, trouve-moi une idée. Les moyens techniques installés, les lignes téléphoniques pour faire la liaison avec. Ben, on tire un câble. Tu mets un dérouleur du TGV. Okay. Puis... on l'amène avec nous. Je tire un câble, ni vu ni connu. C'est moi, je suis partant pour le câble. Ouais. Oh les gars, vous êtes. Ah moi, je suis chaud. Vous êtes boulot. Hein. Oui. On peut y réfléchir. Oui, on pas trop. Pas trop longtemps. Non, pour la semaine. Pour la semaine, ça marche. Je peux pas dire ça comme ça. Ok, merci mon ami. T'as pas parlé en même temps que tout le monde, Bordas? Non. Si. Comme d'habitude, il ne se rend même plus compte qu'il parle en même temps de tout le monde. Dans le Nord, il y a la varicelle. Non, j'ai pas parlé en même temps. Imaginez, je suis une personne d'un air certain âge et ça gratte. Et j'ai peur. Ça gratte. Rien que d'y penser d'ailleurs, ça gratte. Vous avez remarqué que quand on pense à ça, au fait que ça gratte, d'un seul coup, il y a une partie de notre corps qui nous gratte. Regarde, tout le monde se gratte là. C'est vrai. Il suffit que tu dis ça, ça gratte et tout le monde se vérifie un truc. Oui, il a raison, ce con, ça gratte. Allez, quelle pharmacie je prends? Oh, j'en ai plein dans le Nord. Allez, on fait la première. Allez. On est parti, soyons fous. Bienvenue à la pharmacie Sainte-Catherine. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Merci beaucoup. Vite, parce que ça gratte. Oh, ça gratte. Oh, hein. Allô. Catherine, Frédéric Cavel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Ouais, monsieur, je crois que j'ai chopé la varicelle, monsieur. Bon, j'ai vu ça. Jamais... Oui. Vous n'aviez jamais eu? Jamais, monsieur. J'ai vu ça dans le journal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, y a pas grand chose à faire. Vous avez quoi comme symptôme exactement? Ah, ça gratte, des petits boutons rouges, ça gratte. Ouais. Et il paraît qu'il faut pas gratter, mais ça gratte. Ah oui, il faut éviter de gratter. Si jamais vraiment ça vous démange trop, c'est avec le plat de la main, vous frottez tout doucement. Oui. Il faut savoir que tout ce qui va être chaud et humide, ça va augmenter la démangeaison. C'est-à-dire que le lit ou la douche, ça augmente les démangeaisons. Oui. Et alors, je peux pas aller chez le médecin parce que je sens que je vais me frotter sur le chemin, je vais me frotter partout. Oui, puis à cette heure-ci, à mon avis, le médecin, il va plus vous prendre. Ah oui, c'est ça le problème. Ce que vous pouvez utiliser, c'est du Doliprane. Oui, pour me gratter. Ça va calmer un peu. Oui. Surtout pas d'Advil. Ah, parce que moi, là, j'ai mis des gants de boxe pour pas me gratter. Oui. Mais c'est pénible, vous voyez, on peut pas rester avec ça. Ah non, il faudra aller voir le médecin demain. Ah oui, pour zapper la télé, j'ai voulu mettre la une, ça m'a mis la 122. Vous imaginez la catastrophe? Oui. Si j'achète un jeu à gratter Morpion, est-ce que ça va me détendre? Vous pouvez toujours essayer. Oh, monsieur, vous savez, je rêve, moi, d'un papier de verre, d'une râpe à fromage ou me jeter dans mon sapin de Noël. Qu'est-ce que je peux faire? ça serait l'idéal. Donc, vous m'avez dit pas d'endroit chaud et humide. Alors, bah, disons qu'il faut savoir que, bah, notamment dans le lit, ça risque que vous devez manger davantage. Oh, c'est dire que ma femme est chaude et humide, alors comment on fait? Alors, là, ça, c'est embêtant. Je dors dans le canapé? Bah, chacun a son lit, tant pis. Oh, je vais être obligé de me gratter, je sens que je vais craquer, monsieur. Dites-moi un truc pour que je craque pas. Ah bah, ne grattez pas. Ah oui, mais il dit un truc. Chérie, gratte-moi le dos avec une tamponneuse. Mais alors, ce que vous pouvez faire, si ça dérange trop, c'est vous gratter, mais avec le plat de la main. Ah, chérie, là, elle me gratte avec le côté vert de l'éponge. La gratounette. Oh là là. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, docteur. En tout cas, faites attention, n'utilisez surtout pas d'anti-inflammatoire. Donc, l'ibuprofène ou n'importe quel anti-inflammatoire, c'est contre-indiqué complètement. Ah, ça gratte. Comme vous m'avez dit, je gratte pas. Oui, il vaut mieux éviter de gratter. Ah, mais je gratte pas. Ah, oh, je gratte pas, là. J'ai jamais gratté. Voilà. Combien je vous dois, docteur? Rien du tout, c'était gratuit. C'est vrai, c'est très bas. Moi, je vais vous dire bonjour aussi, c'est gratuit. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. C'est vrai? Oui. Et ça gratte pas. Et le public va vous applaudir, c'est gratuit aussi. Il est génial ce pharmacien. Il est super gentil. Il est gentil comme tout. Bravo pour votre patience. Non, c'est pas possible. C'est une blague. C'est pas possible. Ah non. Alors oui, c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a pas de personnage qui se gratte, mais c'est vraiment moi et j'ai pas la varicelle. Bon, ça va alors. Oh, d'accord. Par contre, j'ai une vraie question médicale. Oh, non, ça y est, c'est parti. Je n'ai réellement jamais eu la varicelle. Est-ce que je risque un truc? Ah ouais, de l'attraper. Merci. C'est logique dit comme ça. Et ça va, mais vous imaginez le danger. Moi, je suis souvent avec des auditeurs. Par téléphone. Et puis tu vis dans le Nord. Non mais je vais dans le Nord ce week-end. Ouais. Bah faut venir me voir. Bah non mais est-ce que oui mais les gens qui l'ont la varicelle n'ont pas les boutons quand ils sont contagieux. Ils peuvent être contagieux avant d'avoir les boutons, oui. Comment je les reconnais? Ah, c'est une bonne question. Oh là là, ça m'angoisse. Alors autre question, quand Koé se sent malade, il a chaud derrière les oreilles. Est-ce que c'est normal? C'est vrai, les oreilles. Je ne sais pas. J'ai les oreilles qui chauffent. Si, les oreilles qui chauffent. Et il est chiant un jour sur deux, c'est normal aussi. Je vous embrasse, monsieur. Les écoutez pas. À bientôt, monsieur le pharmacien. Bon courage à vous. Il est gentil comme tout, pharmacie Sainte-Catherine. Merci très. Quoi qu'a dit chiant un jour sur deux? On me l'a soufflé. Ok, ramenez les restes des tacos, s'il vous plaît. Il faut tout finir. Restez là, on est sur Énergie. Je m'appelle Koé, voici Prince Karma. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Avec nous pour la semaine prochaine pour voir Jennifer. Bien sûr, on se laissera. Bah, évidemment, monsieur. Et Rita Ora aussi la semaine prochaine. Dans un instant, qui va gagner les 5000 euros? Qui a bien misé sur Jeff dans un instant et qui, grâce à Otakos, va gagner 5000 euros cash? C'est beau comme somme, 5000 euros cash à quelques jours de Noël. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, ça fait plaisir. Tu peux tout acheter, tu fais le repas. Tu règles des dettes. Ouais, des cadeaux. Surtout en disant, c'est Jeff qui va manger le plus. Elle est belle histoire. Comment t'as gagné 5000 euros? Bah, j'ai dit que c'était Jeff. Voilà. C'est vrai que ça, les gens, ça j'ai pas pris beaucoup de risques. C'est vachement bien avant Noël. Dans un instant, on verra. J'imagine, on va appeler quelqu'un au hasard qui va dire merci beaucoup, bonsoir. Merci. Joyeux Noël. Ça, c'est horrible. Ça. Et bon appétit. Ah ouais. Voilà, bien. 5000 euros. Merci bien. Merci, au revoir. Ça fait plaisir. Tu sais que nous, c'est notre angoisse quand on fait de la radio. Voilà. Quand il y a une grosse dotation comme ça, parce que tout le monde est. Ça est nous chaud. Est arrivé sur une radio. Hein. Ouais. Ça arrive à tous les animateurs. Tout le monde, hein. Et t'es là et tu fais monter le truc. Tu dis, tu as gagné. Nana. Et là, t'entends rien. Vite sur le coup, t'as. Merci. Merci beaucoup. T'entends quelqu'un de blasé en fait et pas heureux. T'as eu. Il arrive quand le chèque? Ah oui. Ah oui, c'est quand? Bah, l'année dernière. L'année dernière. Ouais. On en a eu deux l'année dernière. Oui. Chez nous? Ouais, il y a eu un. Ok, merci. Okay. Et on a eu un. Ok, mais le chèque, il arrive quand? Ouais, bah oui, bon, bah voilà, ça fait partie. Tout t'avais dit. Il arrivera quand il arrivera. Je devais avoir. Oui, j'ai peut-être répondu avec cette gentillesse. Bon accueil, bonjour. Qui me caractérise, oui, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite, Souffle? Le pire Noël, voilà. Le pire Noël de Damien. On aura le temps c'est pour ça. Le qui se sait ou pas? Ah non, pas le temps. Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On le fera demain. Demain. Damien, Paris, quel est ton pire Noël? Salut mon Damien. Salut Coé, salut l'équipe. Salut Damien. Alors, quel est ton pire truc Noël? Ah, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je jouais au foot dans le salon avec avec mes frères. Très mauvaise idée. Normal. Ouais, très mauvaise idée parce que j'ai tiré le ballon sur une bougie qui a cramé la nappe et toute la table en fait. Et les grands-parents? Non, autour. Non, et l'immeuble. C'était mes parents. Et la ville. Parents, et puis bon, ils ont pété un plomb, quoi. On a été punis, quoi. T'en as pris une ou pas? Est-ce que t'en as pris une? Une tarte, pas qu'une. Ouais, parce qu'à l'époque, on pouvait mettre des tartes. On avait le droit, ouais. À l'époque, tu prenais une tarte parce qu'aujourd'hui, tu brûles la moitié de ta maison, tu n'as plus le droit. Donc ta maman te regarde et dit regarde-moi ça dans les yeux. Bien. Ça n'est pas bien, Jonathan, ce que tu as fait. Tu aurais pu te brûler. Enfin, Super Nanny maintenant. Tout le monde est pyromane, va. Tout le monde doit être des super nannies. Bon, mon Damien, je te fais un gros bisou. Le prochain Noël, tu le feras où? À la maison. T'as des enfants maintenant? Ouais, j'en ai un. Eh ben, j'espère qu'ils te foutront le bordel en jouant au foot dans le salon. Et maintenant, quand ils jouent au foot dans le salon, tu dis quoi? Oh non, je le laisse, tant que c'est pas Noël, ça va. Oui. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas de bougie, ils peuvent y aller. Gros bisous, mon Damien, à bientôt. Restez avec nous. Qui va gagner les 5000 euros? Ça se passe dans un instant. C'est sur Énergie à 20h, la suite avec le Rico. Je vois tout de suite. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Un adulte sur deux dans sa chambre a une veilleuse. Une petite lumière allumée, comme quand on est petit. Moi, ça y est, j'ai arrêté. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté la veilleuse. Oui, mais le. Ça, le dis pas, je ne dis pas, je te rappelle que tu cherches un mec. Hein. Ok, mince. Un premier rendez-vous, dire alors tu me croiras jamais, Bernard, j'ai arrêté la veilleuse. Ouais. Ah, alors je te crois et moi je passe directement au dessert. Manu dans le 6-9. Manu. Et ouin. Tous les matins, 6h, 9h30 sur Énergie. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal. Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel? Ça va, oh, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge, je crois, au Père Noël. Hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru. Le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix, hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. La bonne idée Butte, c'est une enceinte tour à moins de 40 euros. C'est le Sweet Noël chez Butte. En ce moment, l'enceinte Bluetooth Innovalley White Tower est à moitié prix et passe de 79,99 à 39,99 €. Sweet Noël, tout Noël. Limite à 8000 pièces. Chez King Jouet ce week-end, vous trouverez déjà les nouveautés 2019 attendues par vos enfants. Bah pourquoi vous l'avez pas dit avant? J'aurais pu les demander au Père Noël. Oui, c'est sûr. Donc, chez King Jouet, il y a le nouveau Monopoly Fortnite, les bracelets Twisty Pets, les nouveautés LOL. Maman, il faut

zone qui a fait Charo et Mbamba. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Jamais on trahira la ronde. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la ronde. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. C'est pas le géant vert, c'est le Père Noël. Vous regardez pas votre calendrier ou quoi? 17h, 20h. C'est vrai ça. C'est Coé sur Énergie. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. J'espère que vous passez des bons moments. On va jouer avec le public dans un instant. On va voir qui gagne 5000 euros. J'espère que vous savez ce que vous allez faire ce week-end, les amis? Dormir. Miko, gilet jaune. Les derniers sapins. Les derniers sapins, peut-être les derniers cadeaux. Non, non, ah oui, Miko aussi, il te reste des cadeaux. Tu fais pas de sapin? Non, non, je m'en fous. Tu fais pas de sapin? Mais non, je vis tout seul. Qu'est-ce que tu veux? Je suis d'accord avec lui. Hein. Mais moi, je suis quasiment. Moi je non, fais... non, ça, c'est un truc de familial. Pour ton chat, les enfants. Mon chat, il va te bouffer le sapin. C'est pareil. Mais Jeff, il peut en parler. Moi, je suis un ouf. J'en ai fait au Touquet, j'en ai à Paris, j'en ai fait un au bureau. Il faut... Alors, et puis, quand je te dis que je fais des sapins, moi, ils font 2m40 ouais, de haut. Mais toi, c'est un budget aussi. Mais toi, t'aimes Noël. Moi, c'est une période que j'aime pas trop. Quoi. C'est ta période. J'ai envie que ça passe vite. Moi, j'aime bien. Non, j'aime pas. Ah, vivement l'été. Il n'y en a pas fait non plus. Mais arrêtez. Vous êtes tu là, je vois. C'est une magnifique période, Noël. T'emmènes ton gamin à l'école le matin, tu te les gèles, sans déconner. Mais ça, c'est l'hiver. Je te parle de Noël. Je m'en fous, c'est pareil. C'est l'hiver que t'aimes pas. J'aime pas l'hiver. Ce bel esprit de Noël. Noël, c'est quand même plus sympa que simplement l'hiver. T'es là, tu prends un truc de chocolat chaud, tu te prends un thé de Noël. Arrête de parler de bouffe quand même. Mais il y a des trucs de Noël qui existent partout. Tu te prends un petit thé, tu te prends. Mais moi, le chocolat, tu moi, peux le boire quand tu veux. Moi, je me suis acheté des mugs marqués Merry Christmas pour prendre mon café à Noël. Et c'est bien, t'as découvert à 500. Ouais. Quoi? Top Noël. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que c'est top Noël, t'as découvert à la mi-mois, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, les cadeaux. Ouais, voilà. Oui, oh, mais vous êtes. Ah, vous voyez. Non, bah écoute, quand j'aurai des enfants, peut-être que je kifferai. Mais alors, non, parce que quand t'as des enfants, ça te coûte encore plus cher. Ouais, j'ai pas d'enfants, vous avez fou Noël. Vous avez tous fait vos cadeaux là? Bah oui. Ouais. Oui, ouais, je les ai fait. J'en ai pas fait un seul. Ah, faudrait que peut-être tu t'y mettes, je sais pas. C'est con parce que tu vois le haut à cause de tout à l'heure, tu l'aurais emballé et t'avais un cadeau de Noël pour le 25, tu lui as pas touché. Un gros cadeau même. T'avais un gros cadeau et tu le laissais 15 jours en vrai et on n'en parlait plus. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? On va revenir quand même une dernière fois sur ce jeune homme qui est passé sur CNews tout à l'heure. Oh, c'était énorme. On l'a mis en début d'émission parce que vous savez, c'est un peu ce qu'on disait hier sur malheureusement le drame de Strasbourg. C'est que. La course à l'info. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes d'information, ce qu'il n'y avait pas avant. Oui. Et que les chaînes d'information sont plus du tout en combat avec les journaux de presse écrite. Ils sont en combat avec les sites internet et ils sont même en combat avec tous les gens qui ont des petits blogs. Oui. Donc c'est à celui qui va mettre l'info avant tout le monde. Alors vous avez vu à quel point même c'est limite parce qu'on met plus de morts sur une chaîne, moins sur une autre. Ouais. On vérifie, oui, c'est pas les mêmes chiffres. On affiche, oui. On vérifiera après. Vous voyez, et ça va des fois tellement vite que quand ils sont contents d'avoir trouvé un témoin qui accepte de dire quelque chose, ils l'exploitent. Alors sur BFM Télé, ils avaient pris un ancien copain de classe du CP, les mecs sont allés chercher loin déjà. Au CP. Du tueur qui disait, d'accord, que déjà gamin, il insultait tout le monde, il insultait, c'était un gamin assez associable, oui, visiblement dont les parents ne s'occupaient pas, okay, alors qu'il avait 7-8 ans. Et alors que sur CNews, eux étaient très très contents parce qu'ils ont trouvé un mec qui disait, bah non. Il disait du bien. C'est un personnage tout à fait normal, je vous demande d'écouter. Il était super gentil. Super, c'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Quelqu'un super gentil et discret surtout. Ouais. Voilà, alors CNews se sont dit génial, nous on a le gars qui fait le vrai portrait, on va pas mal le diffuser. Ah oui, en plus ils ont dû le passer en boucle. Mais bien truc. Sûr, ah, sauf oui, que mec, le gars, juste après, celui que vous venez d'entendre, a fait un snap. Écoutez le snap. Là, je suis vraiment pas ça à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais pas c'est qui. Oh là, je le connais même pas. Oh là, je sais pas qui c'est, je m'en bats les couilles. C'est, mais, non, ça se fait pas. Mais il y a plus de respect. Ouais, de rien. Pas. C'est horrible. C'est-à-dire que les gars, ils sont là, ils disent oui. Alors, oh bah oui, bah, je l'ai connu, oui, tout à fait, vous l'avez connu. Ensuite, il fait un snap. Alors, pas du tout. Déjà, lui, il plaisantait avec ça alors que c'est pas super drôle. Et en plus, oui, eux, ils vérifient pas, quoi. C'est hallucinant. Après, c'est difficile de vérifier si le type est vraiment allé à l'école ou pas. Mais le champion, toute catégorie pour moi, est Dominique Rizet. Dominique Rizet, vous avez vu, c'est le gars chaud de BFM Télé. Dès qu'il se passe un drame, il y a Dominique Rizet. C'est Dominique vrai. Rizet, c'est le spécialiste. Il connaît tout du comportement des gens. Criminaux. Voilà, oui, Dominique tout, Rizet, tout. Voilà. Et Dominique Rizet, je vous demandais, on connaissait Franck Dubosc qui changeait d'avis assez vite. Hein. Oui. Je soutiens les Gilets jaunes, Je soutiens plus les gilets jaunes. Je re-soutiens les gilets jaunes. Demain. Son spectacle s'appelle 50-50. Je soutiens plus. Eh bien, il y a Dominique Rizet. Alors là, on a moins d'une journée. Hein. Ouais. Écoutez. L'homme qui change d'avis plus vite que Franck Dubosc. Je trouve pas qu'il a un profil de terroriste. Je trouve qu'il a vraiment un profil qui bascule plus vers la délinquance, le banditisme. On est plus là-dedans. Entre le petit voyou, le délinquant qui s'installe dans ce mode de vie et puis le passage à l'acte terroriste. Hein. C'était l'homme qui change d'avis plus vite que Franck Dubosc. Deux jours. Mais voyez, c'est quand même c'est le principe de on va vite et on demande à des chroniqueurs qui sont autour de la table d'avoir une réponse qu'ils n'ont pas. Oui, ouais. Vous imaginez, il y a un drame qui vient d'arriver, on met six mecs autour de la table, on leur dit, alors d'après vous, mais qu'est-ce qu'ils le savent ? Déjà, les policiers eux-mêmes sur place ne savent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'à 500 km de là, sur un plateau, ils ne peuvent pas le savoir. Mais c'est ce problème d'aller vite, il faut aller vite. Il faut vite donner des réponses, il faut vite donner quelque chose la à manger. Course, la course. Et il y a ces gens qui filment une rue, on voit des plans pendant des heures d'une rue avec un policier. Qui dit toujours la même chose. Qui demande aux gens, rentrez pas, il ne se passe rien d'autre. Et la même image en boucle, toute la journée. Ouais. Écoutez, voilà. Bon, vous me direz, il n'y aurait pas eu de drame, il n'y aurait pas eu tout ça, mais voilà. On termine par quoi, Stouff ? Le gagnant. Ah bah oui. Oh je sais pas. Ah suspense. On a 5 000 euros à distribuer quand même. On peut peut-être l'appeler la semaine prochaine. Allez, avant les 5 000 euros, je finis avec un petit quiz pour le public. Rassurez-vous, il n'y aura pas De questions pièges. Il n'y aura pas de questions pièges, il n'y aura pas de Marseillaise. Il y aura le questionnaire Miss France. C'est le pire. Les Miss France ont droit à des questions. On n'y arrive pas comme ça. Alors vas-y, Lucas, tu mets le micro où tu veux. Non, pas où tu veux, devant la bouche. Non, moi j'ai ça. On regarde jusqu'au bout. Ah, tu le veux qu'on le fasse en mode qui veut gagner des millions ? Ouais, des bonbons. Oh, d'accord, on le fait à qui veut gagner des bonbons. Allez. Ok, d'accord. On a des bonbons ? Faut que tu fasses Jean-Pierre. Hein. Un pal tacos, des bonbons. Bonjour à tous, c'est bienvenue. Moi je suis fan. Arrête. Bienvenue à qui veut gagner des bonbons ? Qui va jouer avec nous, ton prénom ? Guilien. Salut Guilien. Guilien, voici la question. Quelle est la bonne orthographe de Méditerranée ? M-E-D-I-T-E-2-R A et un N ou S ? 2-T, un R, un N ou S ? Médi, comme le prénom est plus lointerranée ou S ? Méditerranée avec 2-T, 2-R, 2-N ? J'irai le deuxième. Eppel ? Je sais plus. Un D. 2T, un R et un N. Oui, voilà. C'est ton dernier mot ? On dit oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Eh bien, c'est la mauvaise réponse. C'est Méditerranée, c'est un T, 2R, un N. Eh oui. Ah, que c'est question con. Deuxième personne. Voici la question pour gagner des bonbons. Allez, à qui tu veux ? Prénom ? Audouin. Audouin, on y va. Quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il ? A. Au chien. B. Au canard. On n'aide pas. C. Au cheval. D. Au hibou. On n'aide pas. On n'aide pas. On n'aide pas. Au cheval. Elle va tomber, celle-là. Putain. Bonne réponse, Jean-Pierre. Merci. C'est au cheval. Bien joué, Edouard. C'est la bonne réponse. Gagne un bonbon. Allez, hop. T'inquiète, prends ça. Il y va. Merci. Question pour la fille du premier rang. Tout à l'heure, souffle à tout le monde. On va voir comment tu te la racontes tout seul. À côté. Et personne ne l'aide. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas synonyme de fringale ? A. Appétit. B. Faim. C. Crédulité. D. Avidité. Crédulité ? C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse ! Bravo ! C'est pas qu'un bonbon ! Le gars derrière, et on terminera là-dessus. Attention, qui était... Il est où ? Le prénom ? Mais il est où ? Geoffrey. Geoffrey, qui, et on ne souffle pas, quel était... Qui était surnommé le roi soleil ? J'ai entendu, je sais ça. A. Clovis. B. Charlemagne. C. Christophe Mahé. D. Louis XIV. Charlemagne. On termine sur un champion. C'était. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre Foucault. Oui, mais arrête d'insulter. Arrête de continuer. J'insiste pas. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas Charlemagne. Louis XIV. Louis XIV. Attention, on termine avant Rico et toute l'équipe. On va offrir 5000 euros. J'appelle quelqu'un au hasard. On est parti. Qui a voté pour Jeff? Qui a dit que Jeff irait plus loin? Ouais. C'est bien, ouais, bon ouais. Bravo, mon Jeff. Il s'endort. Il a le taco qui commence. Allô? Stéphanie? Oui. Bonjour, Stéphanie. Je m'appelle Coé. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien, Stéphanie. Tu es en forme? Très bien. Où habites-tu? Besançon. Besançon, certes. Laisse-moi terminer l'émission. Après l'émission. Présentons-nous avant. On se connaît à peine. Buvons un verre avant. Oui, que penses-tu de déguster un petit tacos? Un petit peu direct. On va faire quoi que ce soit. Stéphanie, tu as voté pour qui? Un minimum. Jeff. Normal. Tu as des enfants? Deux. Comment ils s'appellent? Quentin et Timéo. Est-ce que si jamais tu étais sélectionné pour gagner 5000 euros, tu serais là pendant quelques secondes la personne la plus heureuse de France? Oui. Ça te ferait du bien ou pas? Ah ben, largement. Tu fais quoi dans la vie? Comptable. Ah. On est sûr pour le largement? Je tiens à te dire qu'ils sont donc toutes taxes comprises et exonérés d'impôts, comme tu peux t'en douter.